L'émission sans nom, la marque du président est de retour. On est là pour une deuxième émission préparatoire. On est en formation, on veut s'améliorer. Puis on devrait le faire assez facilement quand même, parce que avec un peu d'expérience, on s'améliore toujours. Et je vous rappelle, c'est notre deuxième émission. On cherche désespérément un nom. Et si vous voulez nous glisser des commentaires, pour l'instant, on a en tête la voix des guerriers. Puis bon, il n'y a pas eu vraiment de commentaires là-dessus. Alors, on sent peut-être que c'est approuvé de votre part. Alors, si on continue, si la tendance se maintient, eh bien, le 4 octobre, on se sera trouvé un nom et ce sera probablement la voix des guerriers. Mais pour s'il y a n'importe quoi qui nous affecte, si vous voulez qu'on change de nom, s'il y a des propositions qui semblent plus intéressantes, on est prêt à se trouver un nom qui sera vraiment, qui peut frapper encore un peu plus fort que la voix des guerriers, mais c'est ce qu'on a en tête pour l'instant. Alors, de ce pas, on salue l'homme nouvelle lui-même, Frédéric Garcia, qui pour une deuxième émission va partager l'animation de l'émission avec moi, et on aura un grand plaisir de vous parler d'à peu près 10 000 sujets. Fred, comment ça va? Ah, ça va super bien. Après une belle semaine comme on a eu cette semaine, plein d'actions, ça va super bien. Oui, puis des commentaires qu'on a reçus suite à notre première émission. Et je vais prendre la peine de remercier tout le monde qui ont mis un peu de temps pour nous écrire des commentaires. Ça, vraiment, je trouve ça super agréable. C'est vraiment le fun de voir que les gens prennent la peine déjà d'écouter notre émission. C'est quelque chose. Et puis en plus, d'écrire un commentaire, moi, je dois le dire, devant un clavier, là, je suis trisomique, je suis vraiment pas bon. Puis, ça pitonne pas vite. Alors, qu'il y ait des gens qui prennent la peine d'écouter une émission puis ensuite d'aller sur leur clavier puis de nous écrire des commentaires. Ça, on veut remercier vraiment tout le monde. C'est vraiment... moi, je suis reconnaissant de ça. Puis continuer là-dedans parce qu'on va nécessairement tout lire les commentaires puis essayer de faire en sorte d'apporter ça à l'émission puis peut-être d'apporter des corrections, d'apporter des ajouts et qu'on puisse s'améliorer de semaine en semaine. Fred, des sujets, en veux-tu, en v'là. Évidemment, Fred, le UFC, c'est sa grande force. Puis, t'es gâté, hein, cette semaine? Oui, ça a vraiment été une super de belle semaine. On a eu droit au Fight Night mercredi soir. Et hier, on a eu l'UFC 103. Les deux galas ont été remplis d'action. Du début à la fin, j'essaie de penser vite. J'ai pas un combat vraiment plate qui me vient en tête. Ils ont tous été bons. Et c'est la beauté du sport, c'est aussi simple que ça. Alors c'est de ça qu'on va vous parler cette semaine. En plus de ça, on vous parle également de la première émission de la télé-réalité The Ultimate Fighter, qui est la 10e édition, mais on va vous parler de la première émission de cette 10e édition-là. Par la suite, les résultats du Ringside, organisation québécoise, ça a eu lieu la même soirée que le UFC 103, soit hier, le 19 septembre. On aura les résultats, on va vous parler de tout ça, parce qu'on veut suivre également ce qui se passe au Québec, c'est important. Steve Bossé y était, Guillaume DeLorenzi également, Thierry Canville, les débuts du petit gars de l'Abitibi, Stéphane Pelletier, on va vous parler de tout ça. On aura des résultats rapides sur l'adrénaline MMA, dans lesquels Tim Sylvia et Houston Alexander, deux vétérans du UFC, y étaient. Ils ont combattu. On va vous parler de ça. Et on va également présenter quelques cartes qui auront lieu dans la prochaine semaine, dont une au Japon. Sangoku, le 10e événement de cette organisation-là, qui a vu le jour après le décès malheureux du Pride. Alors, on va vous parler de ça. On va vous parler du Strike Force Challenger. On fait le tour de cette carte-là également, assez rapidement, par contre. Et une présentation sommaire très rapide d'un événement qui aura lieu à Macao, en Chine. Art of War, 14e édition de cette organisation chinoise-là. Et apparemment, on a plein d'argent là-bas, puis des Chinois, il y en a beaucoup. Alors, à un moment donné, il y aura un Chinois qui va percer, puis on va l'avoir suivi. C'est pour ça qu'on va vous parler de ça. Par la suite, on fait le tour de peut-être de ce qui se passe dans des organisations canadiennes assez rapidement, ce qui va se passer chez les amateurs au Québec également. Et on va discuter autour d'une question sondage de MMANouvelle.com, site de l'homme nouvelle Fred Garcia, et des rumeurs et nouvelles, gracieuseté toujours, de notre bon ami Fred Garcia. Alors, on commence pas en ordre chronologique, puisqu'on va tout de suite entamer avec l'événement qui nous intéressait le plus et qui est très frais. Ça s'est passé hier soir, ce samedi 19 septembre passé, à laquelle le combat principal s'opposait deux gros noms du MMA, je dirais, dont un retour dans le UFC. Là, je parle du Brésilien Vitor Belfort face à son adversaire, l'Américain Rich Franklin. Alors, Fred, tes impressions sur ce combat? Oui, ben ça a été un combat assez rapide. Alors, on n'a pas vraiment eu la chance de tout voir ce qu'on voulait voir, je pense. Mais Belfort a montré qu'il était très rapide, a réussi à esquiver les attaques de Franklin. Puis il montre que c'est une force dans l'UFC. Il faut le considérer. C'est officiel qu'il va être important dans les années à venir. Il a juste 32 ans. Alors, moi, je pense qu'on va le voir pour assez longtemps à gagner des gros combats. Dana White aimerait bien le mettre contre Anderson Silva assez vite. Alors, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec lui. Oui, puis Vitor, c'est un gars qui a tellement de talent au sol. Moi, j'ai jamais vraiment eu la chance de voir qu'est-ce qu'il y a au sol, mais c'est une ceinture noire sous Carlson Gracie, c'est pas rien. Il a fait partie de la BTT et un gars qui est une ceinture noire au sol, puis beaucoup d'expérience au sol également. Mais il est tellement fort debout qu'on n'a pas eu la chance vraiment de voir tout ce qu'il peut faire au sol. Alors Vitor, c'est un gars plein de talent quand la tête y est. Il est à peu près imbattable. Alors, j'ai bien hâte de voir son futur. Depuis qu'il s'entraîne avec l'équipe de Randy Couture, là, depuis son affrontement face à Terry Martin dans un événement d'Affliction dans lequel on a vu Randy Couture dans son coin, il me semble que Vitor, là, il est vraiment revenu pour de bon. Puis, il est plus expéditif que jamais. Son dernier combat face à Matt Lindland, il l'avait clenché. En 37 secondes, ça en était fait de Matt Lindland. Et là, il poursuit sur cette lancée victorieuse-là. Une cinquième victoire consécutive, un troisième KO assez expéditif d'affilée également. Alors, ça s'enchaîne vite pour Vitor Belfort. Son prochain combat va être très important, ça, on n'en doute pas. Est-ce que ce sera Anderson Silva tout de suite? On ne sait pas. Mais il est dans la mire de Dana White et Vitor Belfort également. Il a 32 ans à peine, Vitor. Il combat depuis à peu près toujours, il me semble, pour même les plus vieux amateurs. Là, depuis 1996, sa carrière est partie. Rapidement, il s'est retrouvé au UFC, où il est devenu champion assez jeune, alors qu'il était, il avait à peine 20 ans autour de ça. Et là, il était rendu seulement qu'à 32 ans. Et les portes sont ouvertes pour Vitor Belfort. Il a comme une deuxième chance, parce qu'il y a eu des creux de vague dans sa carrière. Mais là, il semble avoir tout remis sur la bonne voie. Mentalement, physiquement, toujours très dangereux. Et là, je le l'encense comme un fou, mais la semaine passée, j'avais prédit la victoire de Rich Franklin. Alors, vous allez voir, là, de semaine en semaine, je risque d'être dans le champ comme ça, malheureusement pour moi. Mes prédictions, c'est pas toujours très fort. Alors, Belfort m'a surpris, d'autant plus qu'à la pesée, je regardais ça, puis Belfort a eu de la difficulté à faire la pesée. À 195 livres, lui qui pourtant combat 185 livres là, depuis ses deux derniers combats et qui veut poursuivre sa carrière à 185, j'étais surpris, même déçu de voir qu'il avait de la difficulté à faire la pesée à 195, mais pourtant, il n'a fait qu'une bouchée de Rich Franklin. Oui, je te remercie de ne pas mentionner que juste avant le combat, j'avais dit que Franklin gagnerait finalement. Mais, ouais, ça... Je veux dire que tu te dis ça à moi personnellement, mais la semaine passée à l'émission, tu avais t'es allé avec Vitor Belfort et c'était ta prédiction de la semaine passée quand même et je t'en félicite. Oui, mais j'aimerais ça revenir en arrière, puis je sais pas si les amateurs, puis toi tu te rappelles, Vitor Belfort a déjà eu la réputation d'un gars qui avait de la misère à contrôler sa nervosité d'avant combat. Il me semble c'est dans les combats contre Randy Couture où ce qu'il y avait eu. Il faudrait que je retourne dans les notes sur Wikipédia et tout, mais il y avait eu une histoire où ce qu'il avait perdu connaissance ou quelque chose avant un combat. Il y avait eu une crise d'angoisse. Et moi, c'est justement l'aspect que j'ai préféré de Vitor Belfort. Je ne l'ai jamais vu aussi calme et serein. Et c'est un aspect très important, je pense, dans le MMA, contrôler ses émotions. C'est pas facile. Il y a personne qui va s'imaginer que rentrer dans une cage pour aller se battre, c'est facile. Alors, contrôler ses émotions, c'est un gros aspect dans ce milieu-là. Puis Belfort, je pense qu'il a atteint quelque chose, un niveau de sérénité. Oh, j'aime bien ce mot, sérénité. Oh, je suis d'accord, Fred. Ça sonne doux, ça. Vitor est rendu serein. Et effectivement, il me semble qu'il y a eu des problèmes dans sa vie personnelle. On sait que bon, sa sœur a été kidnappée il y a de ça quelques années. Puis on peut comprendre, ça peut chambouler une vie. Puis là, ça semble être bien droite, son affaire. On espère pour lui que ça va se poursuivre dans ce sens-là, parce que je pense que quand Vitor est là, mentalement, là, il est vraiment dangereux. Puis ça semble être le cas présentement. T'es encore très jeune, là, vraiment, tout est possible encore pour Vitor Belfort. Oui, exactement, un bel avenir. Puis tant qu'à Franklin, c'est pas fini pour lui. C'est un gars que l'UFC aime beaucoup, alors on risque de le revoir dans des gros combats. C'est un vétéran. Puis comme on se parlait un peu en préparation, moi j'y vois un futur où ce qu'il risque d'affronter, il risque d'avoir une carrière similaire à ce que Matt Hughes fait en ce moment, c'est-à-dire des combats intéressants. Peut-être qu'on pourrait le revoir contre Dan Anderson ou des combats que le public pourrait aimer, mais je ne le vois pas non plus redevenir une force à 205 livres. Malheureusement, à 34 ans, il a peut-être atteint le maximum de son apogée. Alors, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec lui, mais moi, j'y vois une fin de carrière où ce qu'il va avoir des combats intéressants, là. Une fin de carrière similaire à Matthews, comme je te disais. Oui, mais moi, je m'explique mal qu'ils veulent monter à 205 livres, à moins qu'il y ait de la difficulté à faire la coupure maintenant à 185 livres. Mais je pense que c'est surtout parce que il a compris qu'à 185 livres, il ne serait jamais en mesure de déloger Anderson Silva. Et à 205 livres, ça va être encore plus difficile pour lui parce que là, il y a tellement d'excellents combattants dans le UFC à 205 livres. La voie n'est pas ouverte pour Franklin, mais je suis un peu d'accord avec toi. Il peut toujours faire des combats importants, puis que les amateurs américains vont apprécier, parce qu'il y a une certaine notoriété maintenant, Rich Franklin, mais je pense pas qu'il puisse nécessairement reconquérir un nouveau titre dans le UFC. Malheureusement pour lui, là, puis il est âgé de 34 ans quand même. C'est encore quelqu'un qui, debout, se débrouille très bien. Au sol, il est pas mauvais, mais dans les transitions, je suis pas sûr qu'il c'est un des meilleurs. Et debout, ben, on l'a vu là face à Vitor Belfort. Vitor était vraiment trop vite, je pense, avec ses mains, puis trop puissant pour Rich Franklin, qui encaisse ainsi donc une deuxième défaite dans ses trois derniers combats. Et c'était face à Dan Anderson, son autre défaite, et sa victoire, c'était face à Wanderlei Silva. Bon, c'est un gros nom, Wanderlei Silva, mais il faut dire, là, Wanderlei, il gagne à peu près plus depuis quelques années, là, si ce n'est que cette victoire-là très rapide face à Keith Jardine. Sinon, Wanderlei a en arrache dans les dernières années. Oui, on va voir si la nouvelle version de Vanderlei, elle va marcher mieux avec sa nouvelle figure. Oui, et les méchantes langues vont dire, j'espère qu'il y avait deux pour un parce qu'il y aura peut-être besoin d'une nouvelle chirurgie après son prochain combat. Alors, il y avait un autre combat qui nous intéressait quand même. Junior dos Santos, le Brésilien, élève de la famille Antonio Rogério et l'autre Rodrigo Nogueira. Junior dos Santos a remporté son combat face à l'aimé, je pense, de plusieurs de nos auditeurs suite à notre émission de la semaine passée, des commentaires de personnes qui nous reprochaient, à moi je pense surtout, peut-être d'avoir été un peu dur à l'endroit de Miyako Krokop, et je suis content que les gens vraiment prennent la peine de nous envoyer des commentaires, puis pas juste dire vous êtes beau, vous êtes fin, puis c'est bien le fun, mais là non, on y va aussi de critiques, et ça c'est encore plus intéressant parce que ça nous prouve que vous avez vraiment écouté l'émission. Alors, on vous en remercie, mais malheureusement pour vous, Mirko, il n'était pas de votre bord, il vous a pas donné un coup de main, il a été détruit. Junior Dos Santos s'est emporté autour de la deuxième minute au troisième engagement, mais avant ça, je pense de l'avis d'à peu près tout le monde, le premier et le deuxième round, c'était en faveur de Junior Dos Santos. Oui, ça a été un très bon combat. Moi, c'était le combat que j'anticipais le plus. J'avais hâte de voir ce combat-là parce que je me suis créé un excitement envers ce combat-là moi-même en recherchant de l'info puis en essayant de trouver qui je pensais aller gagner. Moi, je voulais juste mentionner que j'aime beaucoup Mirko Krokop des anciennes années. J'aime encore le voir parce que, comme j'ai souvent dit, j'aime voir les vétérans continuer puis il y a toujours possibilité de les mettre dans des bons combats. Mais c'est simplement, je pense pas que Mirko a bien évolué pour devenir un combattant complet. C'est encore juste un striker, si on veut. Puis encore là, sa boxe n'est pas super forte comme toi-même, tu l'as déjà mentionné. Alors, Mirko, malheureusement, je pense pas qu'il va avoir d'impact beaucoup. Mais comme je dis, c'est un gros nom. Alors, il y a toujours moyen de le mettre dans des match-ups, si on veut, où ce que les amateurs vont être intéressés à le voir combattre contre un genre de combattant. Mais être un aspirant à la ceinture poids lourd, ça c'est fini selon moi pour Mirko, c'est sûr. Oh, ça c'est, je pense que c'est officiel. Mirko quand même est âgé de 35 ans, livré de grosses guerres dans sa vie, de plusieurs combats en MMA en quand même peu de temps là. Puis il faut dire aussi en K1 a fait plusieurs combats en K1. Je pense que c'est là, d'après moi, qu'il a eu le plus de succès. Peut-être les amateurs ici, les auditeurs au Québec, vous connaissez peut-être pas l'organisation K1 très bien comme en France. Je pense qu'ils connaissent ça très bien parce que bon, Jérôme Le Banner, un combattant français très connu, je pense, en France, très apprécié. Il y a eu longtemps, puis il en fait encore partie de l'organisation K1, puis il a participé au gros tournoi là, du mois de décembre qui a lieu à chaque année au Japon. Puis Mirko Crocop, il a participé à quelques occasions. Il n'a jamais remporté la grosse coupe, mais a toujours relativement bien fait. Il est allé chercher des belles victoires, des victoires éclatantes. Sa jambe arrière a toujours été son arme de prédilection. Mais maintenant, ça marche plus. Et que voulez-vous? Ça ne fonctionne plus pour le pauvre Mirko, qui même avec sa grande force, n'est pas en mesure de remporter des combats dans l'organisation UFC face à Junior Dos Santos. Mirko, même dans ses grandes forces, puis le combat n'est pas nécessairement allé au sol, puis Mirko a été défait. Alors, malheureusement pour lui, moi je pense. Sa seule chance de pouvoir poursuivre une carrière qui peut être intéressante, c'est peut-être d'essayer de descendre de poids à 205 livres. Mirko, à la pesée, tournait autour de 225 livres. Il a 35 ans. Je sais que c'est pas toujours facile de couper du poids à cet âge-là, mais Randy Couture le fait. Il le fait même à 40, 46 ans. Il est capable encore de descendre à 205 livres. Ils ont à peu près les mêmes dimensions. Crocop, je pense qu'il a intérêt. S'il veut avoir des combats un peu plus importants, parce que dans les poids lourds, là, il va rencontrer des gens beaucoup plus gros que lui, puis surprenamment, qui sont presque aussi, ben même plus agiles, puis plus rapides que Crocop. Alors, sa jambe gauche, là, sa jambe arrière, on la connaît tous, ça ne fonctionne plus, c'est fini pour lui. Dans le UFC, ça lui fait trois défaites, là, quatre défaites consécutives dans le UFC. Il n'a qu'une seule victoire, c'était face à Eddie Sanchez. Sinon, des défaites face à Gabriel Gonzaga. Et ça, on s'en rappelle, c'est le KO le plus fulgurant, je pense, qui m'a été donné de voir, là. Puis, ce qui était drôle, ben drôle, c'était moins drôle pour Crocop, mais c'est qu'il a été, il a mangé ce KO-là par l'arme qu'il utilise habituellement, donc une jambe arrière de Gonzaga en pleine tête, et Crocop là, est tombé, c'était pas beau à voir. Check Congo, le français, aussi l'a défait. Et puis là, je me suis trompé, là. C'est vrai, c'est deux victoires et deux défaites, puisque son dernier combat dans le UFC, c'était face à Mustapha Alter, puis il l'avait remporté, là, grâce à un doigt dans l'œil. Et Mustapha Alter, qui n'est pas un gros nom, là, je pense qu'il y a 6 et 4. Ça s'affiche en MMA, c'est un anglais, c'est pas un nom vraiment important. Alors, deux victoires, mais pas très significatives dans le UFC pour Mirko Crocop. Et face à des noms un peu plus reconnus, ben, c'est deux défaites. Mais il y aura probablement sa chance encore. Mais je suis pas sûr vraiment des intentions de Crocop, pas sûr qu'il a nécessairement envie encore de combattre très longtemps. Non, exactement. Il va falloir voir c'est où qui est mentalement. Tandis que le jeune Dos Santos, lui, a été vraiment impressionnant hier. Moi, au début, je doutais un peu de sa boxe. On nous le vendait comme un bon boxeur. Puis j'avais vu des belles qualités, mais je n'étais pas sûr encore. Hier, il m'a vraiment convaincu complètement. Ses combinaisons étaient super. Il allait au corps, il allait à la tête, il mixait ça bien. Alors, Junior Dos Santos a été impressionnant. Au troisième engagement, il a sorti aussi du Muay Thai. Il a souvent mis Crocop en clinch puis envoyé des gros coups de genoux. Malheureusement, le combat a fini avec une petite controverse parce que ça a été un coup à l'œil que Crocop a encaissé. Et Crocop a dit à l'arbitre qu'il ne pouvait pas continuer, mais avant ça, il était complètement dominé. Crocop n'avait pas une belle figure à regarder à la fin de ce combat-là. Et Junior Dos Santos, c'est de lui qu'il va falloir parler maintenant, je pense, parce qu'il va être dans les top 10. Moi, il va falloir que je regarde mes différents classements. Je m'amuse bien avec ça, classer les gars. Puis je suis pas mal sûr que Junior Dos Santos va être dans le top 10, puis bien placé. Oh, je sais pas, je sais pas. Mais là, il y a une fiche maintenant, je pense, de 9 et 1. Il y a une défaite par clé de bras. C'était en 2007. Il s'entraîne avec les frères Nogueira. On peut présumer que son sol s'est amélioré grandement depuis. Des victoires dans le UFC face à Fabricio Werdum, ça c'était une surprise. Ça s'était fait en 1 minute 21, assez rapidement. Uppercut, il s'en était fait de Werdum. Ensuite, une victoire face à Stefan Struve, qui est un géant, là, mais pas sûr nécessairement que c'est un combattant important dans le UFC, dans les poids lourds, là, puis même en MMA en général. Stefan Struve m'impressionne pas tant. Là, une victoire face à Crocop, mais Crocop, encore une fois, c'est pas un combattant que je trouve vraiment majeur là, dans le UFC et dans les poids lourds. J'ai hâte de voir Junior Dos Santos face à un gars peut-être un gros gars physique qui va tenter de l'amener au sol avec sa lutte, puis de voir vraiment de quoi est capable Dos Santos lorsqu'il est dos au sol. Oui, je suis d'accord, mais c'est aussi de la façon qu'il a remporté ses trois combats. Il a été dominant dans l'UFC. Et aussi, il faut mentionner que en ce moment, il y a plusieurs mondes. Si on regarde Shane Carwin a battu Gabriel Gonzaga. À part de ça, je pense pas qu'il y a personne de connu qui a battu. Cain Velasquez, il a battu Cheick Kongo, mais à part de ça, il a pas battu personne de connu non plus. Alors, je pense que c'est tous des jeunes qui se retrouvent dans le même groupe, si on veut. Des beaux prospects. Puis qu'il faut garder un œil dessus, c'est sûr. Oui, 100%, là, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Il y a beaucoup de jeunes prospects dans le UFC, dans les poids lourds, mais pas de vétérans solidement implantés. Bon, il y a Randy Couture, il y a Nogueira maintenant, mais il y en a beaucoup de jeunes qui enfin arrivent au grand jour, puis vont nous donner des bons combats dans le futur. Et ça, j'ai bien hâte de voir ça. Ce que Junior va faire dans les prochains mois, parce que bon, Shane Carwin puis Velasquez, eux, ont déjà des combats là, de prévus, mais c'est ça. Ça va nous donner un bon spectacle, parce que dans les poids lourds, je pense qu'on n'a pas été gâtés dans le UFC avant, mais là, de plus en plus, il y a des noms très intéressants qui se sont joints, et puis des noms également, des nouveaux noms dans le sport qui font en sorte que ça va rendre la catégorie beaucoup plus attrayante qu'elle ne l'a été dans le passé. Par la suite, on avait bon ce combat-là qui a été qui a été remporté assez facilement par Junior Dos Santos. Et bon, il y avait un combat prévu entre Mike Swick face à Martin Capman, et le gagnant méritait un combat face à Georges St-Pierre. Bon, c'est ce qui est arrivé. Swick incapable de participer au combat. C'est Paul Daly, l'anglais, qui est arrivé, nouveau venu de l'organisation du UFC, qui est un combattant qui a des bonnes capacités debout, mais moi je doute qu'au sol, là, il ne peut pas rivaliser avec les gars du UFC au sol. Malheureusement, pour Martin Capman, il n'a jamais réussi à amener Daly au sol. Et victoire, Paul Daly. Je pense à une victoire surprenante, en tout cas de mon avis, à 2 minutes 31 du premier engagement. L'arbitre, qui était Yves Lavigne, a décidé que Capman n'était plus en mesure de combattre. Alors, Fred, est-ce que c'était une bonne décision, tu penses, de Yves? Ah oh oui, excellente décision, Campman. Si vous allez regarder la reprise, là, quand Yves Lavigne s'interpose, Campman est en train de se mettre les deux bras sur la tête, puis tout ce qu'il fait, c'est protéger. Alors, Yves Lavigne, il a sauvé un KO. Et Campman devrait même aller remercier Yves Lavigne parce qu'il a sauvé des dommages au cerveau, ce qui va lui garder ses réflexes pour son prochain combat, puis lui donner une chance d'être encore un bon combattant. Il n'y a aucune raison d'aller dans les pommes. Moi, c'est mon avis personnellement sur le sujet. Quand le gars, il se défend plus, aussi bien l'arrêter, selon moi, le combat. Ouais, ben moi je suis un peu d'accord avec toi. Je préfère qu'un combat soit arrêté trop rapidement que en retardement. Tu sais, c'est des vies quand même, là, c'est bien beau le sport, puis c'est un sport que j'adore. Mais à un moment donné, je préfère qu'un puis c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un arbitre qui va faire une erreur, puis tu sais, tout le monde est humain. J'aime mieux qu'un arbitre se trompe et qu'il arrête un combat trop rapidement, qu'il y en a un qui l'arrête trop tard, puis qu'un combattant bon a subi ses conséquences tout le reste de sa vie. Ça, c'est important. Puis effectivement, quand même, là, il faut mentionner, Copman était plus vraiment là. Paul Daly avait l'avantage debout. C'était pas, d'après moi, c'est pas une mauvaise décision de Yves Lavigne, mais il aurait pu laisser poursuivre quelques secondes de plus ou pas. C'était sa décision, puis on peut vivre facilement avec ça. Alors, le pauvre Campman aurait tenté, je pense, à deux reprises d'amener le combat au sol, mais Daly a réussi à éviter ça. C'est ce qui lui a permis de remporter le combat. C'est son entrée dans le UFC. Dearly le fait de belle façon. Mais c'est pas le gars, là. Faut pas penser qu'il peut mettre en danger Georges St-Pierre, loin de là, parce qu'il est vraiment pas de la trempe de Georges et puis des gros noms à 170 livres du UFC. Je l'ai pas vu si souvent que ça, Paul Dearly, mais à chaque fois que je l'ai vu dans le passé, là, il m'a jamais impressionné, là. Debout, oui, il a des bonnes aptitudes, mais sinon, là, c'est un combattant que je trouve limité, mais quand même, 22e victoire, il a 8 défaites, et ces 8 défaites, là, parmi ces 8 défaites, 5 suite à des soumissions. Alors c'est ça, son problème, c'est vraiment au sol, mais debout, très dangereux, sur ses 22 victoires, mais il y en a 17 acquises grâce à un KO, à un TKO. Alors là, ça prouve quand même, en frappe, pieds et poings, il est toujours dangereux. Oui, ben, dès le début du combat, Capman s'est fait prendre de quelques coups de poing. Puis, on a vu tout de suite que Capman était nerveux. Moi, ça m'a déçu parce que j'aimais beaucoup Capman avant ça. Il m'a vraiment pas impressionné hier. Mais c'est ça, une fois qu'il a mangé ses quelques coups de poing, il a essayé d'amener le combat au sol. Puis, ça avait l'air d'un gars plus qui voulait absolument aller au sol au lieu d'utiliser une bonne technique. Puis Daly a bloqué ça facilement à chaque fois, puis il a continué à lui envoyer des bons coups de poing. Alors, Daly, je ne le connaissais pas. Debout, il m'a beaucoup impressionné quand même. Je dois y donner crédit parce que ça a été des très belles combinaisons qu'il a envoyées sur Capman. À plusieurs reprises, les genoux à Capman ont plié. Comme je te dis, je ne le connais pas, alors je ne peux pas donner d'opinion vraiment sur son sol. Mais j'ai hâte de le revoir. On verra bien qu'est-ce qu'il peut faire. Ouais, puis des noms à 170 livres, on en a grandement besoin parce que Georges a nettoyé la place. Mais je pense qu'on aurait avantage à passer un deuxième tour avec Josh Koscheck, John Fitch, que voir un affrontement éventuel entre Georges et Paul Dearly. Là, honnêtement, Georges beaucoup trop fort pour Paul Dearly. Et bon, avec ça, Capman, c'est une troisième défaite. Sa dernière défaite, c'était face à Nate Marquardt par TKO. En 2008, alors ben pour lui, ça le recule d'un pas parce qu'il était à un combat d'affronter Georges. Mais là, malheureusement, lui doit reculer. On va voir s'il va être capable de revenir sur le chemin de la victoire dans les prochains mois. Cette défaite-là, je pense que ça lui fait vraiment mal parce que Daly, il me semble, était. En tout cas, moi, à mon sens, là, Capman, il est plus polyvalent que Daly. Mais il n'a pas réussi à l'amener au sol, fait qu'il a payé pour. Par la suite, il y avait un autre combat qui m'intéressait, moi, particulièrement. Deux lutteurs, 260, deux combattants à 170 livres, Josh Koscheck, un peu plus jeune, malgré que Koscheck est quand même âgé 31 ans, mais il a beaucoup moins d'expérience que Frank Trigg. Et Trigg, ce dernier, qui a fait un retour dans le UFC à 37 ans. Et je ne suis pas surpris de voir que Koscheck l'a emporté par TKO à 1 minute 25, première ronde, victoire Josh Koscheck. Oui, ça a été très, très impressionnant par Koscheck, mais tu vois, Trigg est bien sorti, moi je trouve, dans les premières minutes. Il avait de l'air très confiant et c'est lui qui imposait le rythme, si on veut. Il faisait reculer Koscheck, mais à un moment donné, il s'est fait prendre puis il est tombé au sol et Koscheck l'a fini assez vite. Encore une fois, il y a eu un peu de bruit, si on veut, à l'effet que l'arbitre a peut-être fini le combat trop vite, mais je suis encore, moi, d'avis que. Le gars, il était juste là à se protéger la tête. Alors, l'arbitre, lui, a sauvé un KO. C'est mon Ah, opinion. ben moi, je pense honnêtement, là, je pense que Trigg, il a été KO. Puis ensuite, Koscheck a eu la chance d'en placer un ou deux autres. Puis il l'a réveillé grâce à ça. Je suis sûr que Trigg, là, il était. Non, il a perdu. Oui, Peut-être non, pas. je suis complètement d'accord. Tu as raison. Pour une fraction de seconde, il n'y avait pas de l'air là. Puis c'est pour ça que je dis que l'arbitre, il a fait la bonne décision. Moi, je suis toujours pour la prudence. Alors, Trigg, il va être là pour un prochain combat. Parce que moi, je pense que depuis une couple de mois, Dana White, il semble avoir un certain côté dans son cœur là, pour les vétérans. On rappelle les noms de Tito Ortiz, Mark Coleman, tout ça. Alors, Trigg va avoir une autre chance, je suis pas mal sûr. Mais c'était la bonne décision de l'arbitre. Puis c'est aussi bien qu'il prenne le moins de dommages possible. Oui, mais encore là, Trigg, oui, il peut donner des bons spectacles, mais il n'est pas de la trempe des Koscheck, des John Fitch, des Thiago Alves, des Georges St-Pierre. Même face à Matthews, il a subi deux défaites. Alors, Trade, il est peut-être là, peut-être juste pour tester les nouveaux jeunes, là, pour voir qu'est-ce que, pourquoi pas face à Paul Daly, voir qu'est-ce que Daly va pouvoir faire face à un bon lutteur, lorsqu'il va être le dos au sol, Daly, voir qu'est-ce qu'il peut faire. C'est le genre de test Trade peut peut-être proposer à des adversaires, mais face à des 170 livres affirmés dans les meilleurs du UFC. Trade, je pense, n'a pas sa place, malheureusement pour lui. Mais c'est une première défaite dans ses 6 derniers combats parce qu'il était sur une lancée de 5 victoires dans des organisations différentes, là, pas dans le UFC, un peu partout, du Japon, en Amérique aussi pour le Strike Force. Alors, Trade encaisse ainsi donc une septième. C'est une septième défaite dans son cas. C'est une septième défaite, oui, effectivement. Alors que Josh Koscheck, lui, peut-être qu'il était hésitant, comme tu l'as mentionné, en début de combat debout, parce que la dernière fois, il avait été surpris par Paulo Thiago. Mais quand même, je pense que ça, c'était un incident de parcours pour Koscheck. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il avait une tête dure quand même, même si Thiago l'a mis TKO là, assez rapidement au UFC 95. Koscheck, c'est un combattant solide, puis à 170 livres, je le place facilement dans les 5 meilleurs au monde. Oui, je suis d'accord. J'aimerais ça juste revenir sur Trigg un instant. Puis moi, souvent sur mon blog, je dis à propos des vétérans qui continuent, je suis très content pour eux parce que même s'ils ne sont pas à leur meilleur en ce moment, je suis à peu près sûr qu'ils font plus d'argent qu'ils faisaient quand ils étaient à leur meilleur. Parce que le sport a évolué tellement que les bourses sont plus hautes maintenant. Alors, des gars comme Frank Trigg ou Tito Ortiz ou Coleman qui ont fait partie de l'histoire, même si Trigg n'a pas eu beaucoup de succès, ils font quand même partie de l'histoire de l'UFC. Et ils ont été dans les années où ils se faisaient vraiment pas payer beaucoup. Puis maintenant, l'UFC commence à générer beaucoup plus de revenus. Alors, des gars comme Matthews, puis tout ça, même Chuck Liddell, je peux comprendre pourquoi il veut continuer sa carrière. Les bourses, même s'ils sont pas à leur meilleur en ce moment en tant que combattant, les bourses sont sûrement aussi hautes, sinon plus hautes que quand ils étaient à leur meilleur, je pense. Oui, effectivement, hein, puis c'est un sport de malade. Ces gars-là, ils gagnent pas beaucoup d'argent. Moi, je suis toujours surpris de voir ça. Puis on sait qu'ils ont quand même un peu d'argent qu'ils vont chercher en commandite, puis tout ça. Puis tant mieux pour eux, mais c'est rien comme plusieurs autres sports. Et c'est pour ça, je pense, que c'est très important qu'il y ait d'autres organisations qui soient presque aussi solides que le UFC. Et en ce sens-là, moi, je trouve que c'est pas si mauvais que ça que Fedor Emelianenko combattent pour l'organisation Strike Force. Ça va donner du choix pour les combattants. Puis, à un moment donné, les organisations vont être obligées de monter les enchères. Ça va faire en sorte qu'ils vont avoir un salaire plus respectable. Parce que, bon, les meilleurs peuvent aller chercher quoi? 200, 400 000 pour une victoire. Ça a l'air beaucoup comme ça, vous vous dites, pour un combat. Mais il y a de l'entraînement, là. Je mettrais un gros astérisque là-dessus, sauf parce que je pense qu'on est loin de savoir les vrais chiffres, honnêtement. Je pense vraiment qu'on est loin de savoir les vrais chiffres. J'étais d'opinion avant que Dana White sous-payait ses gars. Et je suis encore un peu d'opinion là-dessus, mais je me rends compte que la plupart des gros noms ont un pourcentage des pay-per-view aussi qui sort jamais. On ne sait pas c'est combien. Et aussi que selon ce que je comprends, le chiffre qui sort, si un gars va faire genre 100 000 en salaire de base, si on veut, il va aller chercher sûrement minimum autant en sponsor. Et comme je dis, les pay-per-view et tout, là, je vais juste me baser sur des rumeurs sur Internet, mais des gars comme Chuck Liddell et tout ça ont déjà fait quelques millions par combat, selon ce que je peux comprendre. J'espère pour eux, Fred, puis quelques millions par combat. Je sais que ça a l'air énorme, mais tu peux pas combattre dans ce sport-là 10 combats par année. Puis ces combats-là, il faut les préparer. C'est un camp d'entraînement. Oui, je Tu suis peux. d'accord. Surtout si on veut pour les plus jeunes combattants qui, eux, n'ont pas de nom et ils n'ont surtout pas les sponsors qui courent après. Je vais juste dire un nom de même, Efrin Escuderio, un jeune. Lui, il va peut-être avoir déjà un peu d'attention parce qu'il était sur l'Ultimate Fighter, mais il y a tellement d'autres jeunes que eux autres, oui, c'est vrai que les salaires sont bas, mais quand on parle des grands gars, des gros gars, les Brock Lesnar, les Georges St-Pierre, les Chuck Liddell, Randy Couture, je m'en fais vraiment pas pour eux. Donc, ils vont chercher une bonne part d'argent, mais encore là, moi je pense, Il y a des boxeurs, là, je pense, qui gagnent beaucoup plus d'argent. Beaucoup, beaucoup plus d'argent. Ben, c'est sûr que les meilleurs vont quand même chercher de l'argent, puis c'est intéressant pour eux, mais il faut le savoir, là, tu ne combats pas jusqu'à 45 ans dans ce sport-là, à moins d'être vraiment un phénomène, là, puis de s'appeler Randy Couture. Là, c'est un sport où ça peut être très, très éphémère. Il y a risque de blessure. Alors, contrairement à d'autres sports, je pense au baseball, où il y a des joueurs qui peuvent chercher des contrats de 20-25 millions par saison. Puis, tu sais, j'aime bien le baseball, là, mais tu sais, c'est pas le sport nécessairement le plus éprouvant physiquement. Là, quand tu peux jouer 162 parties en quelques mois, ben, ça prouve que physiquement, quand même, c'est pas le sport le plus demandant. Ouais, non, c'est sûr. Par la suite, bon, il y avait ce combat-là, Josh Koscheck face à Frank Trigg, deux Américains. Et là, on se retrouve tout dans la catégorie des 155 livres cette fois-ci, qui, s'est déroulé en fin de compte à 159 livres. Hermes Franca affrontait Tyson Griffin. Et bon, assez rapidement, je pense qu'on peut vous dire que Griffin l'a emporté au deuxième engagement, après le premier round, où ça n'a pas été le premier round le plus excitant. Des combats qu'on a eu la chance de voir, mais Griffin l'avait emporté également, et sans surprise, Griffin l'emporte. Oui, exactement. Griffin prouve que, comme je disais la semaine passée, il y a beaucoup de talent à 155 livres. Oui, effectivement. Alors, Fred, je vais aller un peu plus vite pour les autres combats, puis tu m'arrêtes quand tu en ressens le besoin. Ça te va comme ça? Oui, c'est parfait. Efren Escudero, qui a déjà remporté une édition de The Ultimate Fighter, était là pour affronter Cole Meller. Faut mentionner qu'il y a eu quelques problèmes après la pesée. Je pense que Efren Escudero a eu de la difficulté, a dû même faire une visite à l'hôpital, mais en fin de compte, Non, non, je pense que tu te mélanges avec Philippe Nover, ça se peut-tu? non, Efren Escudero. Oui, il a été à l'hôpital? Ouais, il y a eu des problèmes après la pesée. Ok, ça se peut, j'ai manqué un peu, je vais le mentionner pour tout le monde, parce que finalement, d'après sur mon site, j'avais dit que les trois gars n'avaient pas fait le poids, mais finalement, d'après ce que je comprends, les Escudero et Vitor Belfort ont fait le poids finalement. Alors, je voulais juste le mentionner. Désolé, je te laisse aller. Ouais, mais dans le cas de Vitor Belfort, je pense qu'il s'est pris à quatre reprises pour faire le poids. Parce qu'il faut savoir, je pense que des fois, tu peux avoir 1 heure ou deux là, pour perdre un certain nombre de poids. Puis Vitor, il est parvenu finalement à un moment donné, là, à la quatrième reprise, où j'imagine il a dû courir un peu et toute l'affaire, là, mais il est parvenu finalement. Dans le cas d'Efren Escudero, il semble avoir eu quelques petits pépins par la suite, mais il a repris des forces et était là pour le combat hier, puis il a remporté une belle victoire face à Cole Meller, deux combattants qui représentent des belles statistiques au sol, puis même Cole Meller, on l'a vu dans le passé, réaliser de très belles soumissions au sol. Mais bon, pour les amateurs de combat au sol, malheureusement, ça s'est déroulé debout cette affaire-là, et c'est Escudero qui l'a emporté. Par KO au premier engagement. Par la suite, Thomas Dowell affrontait Drew McFerdice et ça s'était présenté sur Spike TV en direct. Alors rien n'est payé. Les gens qui ont Spike TV, vous avez eu l'occasion d'avoir deux combats puis même un qui s'est rajouté à ça. Alors ça c'était intéressant pour vous. Et vous avez pu voir Dowell l'emporter par soumission, étranglement arrière. 1 minute 03 du deuxième engagement, alors que dans le premier round, c'était échangé quand même coup pour coup de manière assez virulente. Hein? C'était. Oui, non, Ouais. c'était un très bon combat. J'ai été impressionné par les main draws. Je pense qu'on prononce ça drawall, comme s'il y avait un A entre le R puis le W, mais je suis pas sûr. Mais drawall a montré des très belles mains, très pesantes, surtout, je trouve. Ses coups, ils étaient. On aurait dit des briques qui connectaient sur la figure de McFredries. McFredries avait de l'air anxieux, nerveux. Il avait pas de l'air bien dans la cage. Alors, drawall a imposé son rythme, puis. Même au premier round, je pense que c'est lui qui a connu les meilleurs moments. Oui, puis McFerdice aime échanger debout, mais c'est pas toujours un succès, là. On se rappelle de sa défaite face à Patrick Côté. Dernièrement, par contre, il avait réussi à vaincre Xavier Foppa-Pocam, le Français. Et bon, ben, l'athlète de 31 ans, maintenant, une fiche de 8 victoires et 6 défaites. Et dans le UFC, c'est 4 victoires et 5 défaites pour Drew McFerdice, qui est toujours spectaculaire, mais rarement c'est lui le vainqueur. Par la suite, Jim Miller face à Steve Lopez. Malheureusement, Steve Lopez a subi une blessure en tentant de lancer un coup de poing. L'épaule est sortie et a dû nécessairement, on a dû arrêter le combat à 48 secondes du deuxième engagement. Victoire pour Jim Meller, qui quand même avait, je pense, remporté le premier round assez aisément, de belle façon. Meller qui est excellent au sol, puis debout, c'est un petit trapu, puis une boxe ordinaire, mais efficace. Nick Lenz face à Rafaelo Oliveira. Ça s'est terminé par décision en faveur de Nick Lenz. Les juges ont décerné des cartes de 29-28, 29-28 et de 30-27 toutes en faveur de Nick Lenz. Par la suite, c'était deux noms que je trouve, il me semble, ça semble de deux personnages de soap américain de fin d'après-midi à TVA. Rick Story face à Brian Foster, mais non, c'était pas deux personnages de soap là, ça s'est frappé avec violence. Maudit que c'était bon ce combat-là debout. Les deux frappaient avec beaucoup de force et ça s'est terminé ça au début du deuxième round. Rick Story l'emporte, il a réussi à battre Brian Foster par soumission. Et c'est la première fois que je vois ça, je pense. Un étranglement triangulaire avec les bras. Mais Rick Story, c'est le genre de soumission qui est à peu près insortable, mais quand t'es pas dans la garde de ton adversaire. Mais Rick Story l'a fait alors que Foster a réussi à ramener Story dans sa garde. Au début, il était en demi-garde, mais à un moment donné, il est allé chercher Story dans sa garde. Puis Story a quand même réussi à le soumettre avec cet étranglement triangulaire avec ses bras. J'étais surpris de voir ça. Mais ça a fonctionné. C'est exactement la même soumission que Nogueira a tenté sur Randy Couture dans son combat au deuxième ou au troisième round. Je me souviens plus très bien. Mais Nogueira, qui est un des meilleurs là, en soumission au sol, dans les poids lourds en tous les cas, n'a pas réussi à le soumettre parce que justement il était dans la demi-garde de Couture. Mais là, Foster, lui, a tapé quand même face à Rick Story. Oui, mais je pense que Foster, quand il s'est remis, il l'a remis dans sa garde, était déjà sur le point de s'en aller. Si on y regarde les yeux, il n'y avait plus d'air trop là déjà à ce point-là. Alors peut-être que l'information n'est pas allée aussi vite qu'il voulait au cerveau là, pour le faire réagir. Faudrait mentionner que Rick Story, le chanceux, il a gagné deux bonus de 65 000 $ chacun. Il a gagné la soumission de la soirée, puis lui et Brian Foster ont gagné chacun 65 000 $ pour le bonus du combat de la soirée. Oui, effectivement. Alors, 130 000 qui s'ajoutent à son salaire pour le combat. Mais bon, Rick Story, on peut présumer, ça ne doit pas dépasser grand-chose. Peut-être 15-20 000 le max, d'après moi. S'il est chanceux. Oui, alors ça, quand même, hein, ça te rajoute un montant intéressant. Et ça, là, c'est quelque chose que j'adore du UFC, ces primes-là, bonus. Je trouve ça super intéressant parce que tout le monde y a droit, même aux combattants qui ne gagnent pas nécessairement des gros salaires. Si on offre un bon spectacle, puis ça peut forcer les gens à offrir des bons combats. Chose peut-être que Thales Lettès n'a pas comprise. Également, notre ami qui avait affronté Anderson, pas Anderson Silva, mais plutôt Nate Query là, à Montréal il y a 2 ans. Caleb Starnes. Oui, effectivement. Merci, Fred. Elliot Marshall a réussi à remporter son combat face à Jason Brills par décision partagée. Ouais, c'est bizarre celle-là. C'est ce qui est écrit sur les sites web. C'est un des combats qui n'a pas apparu à la TV. Puis pourtant, les cartes de pointage sont toutes de 30-27. Alors, je serais bien intéressé. Il va falloir que j'aille sur UFC.com essayer d'aller voir le combat préliminaire. Parce que Ouais, il a 30-27, mais avec une décision partagée, ça fait un peu bizarre. Ouais, c'est bon, on n'a pas vu le combat, c'est difficile de juger là, mais effectivement, on peut penser qu'il y avait peut-être un juge égaré, peut-être de la régie des courses et des alcools du Québec qui était là. Peut-être qu'il s'est trompé entre les deux combattants. Il pensait qu'un était l'autre. apparemment là, moi j'ai pas vu ça de mes yeux vus, mais on m'a dit que dans des galas ici au Québec, même professionnels. Que souvent, il y avait des juges qui se sont endormis dans des combats préliminaires. Est-ce que ça a été le cas là? Tout est possible. Ça se pourrait. Vladimir Matsushenko, un retour dans le UFC, un vétéran, combattant de 205 livres. Il affrontait un gars qui s'entraîne avec Mirko Krokop, Igor Prokhatchak. Et Matviushenko l'a emporté, je pense, sans surprise. 30-27, c'est la décision de chacun des trois juges. Alors, une victoire, décision unanime pour Vladimir Matviushenko, qui, je pense, rapidement, on va le voir face à un nom un peu plus important à 205 livres dans le UFC. Pourquoi pas un gars comme, je ne sais pas, Matt Amir, ou tu sais, il y a tellement de noms à 205 livres. On va voir vraiment ce que Matviushenko peut faire, parce que bon, il y a plus 20 ans, là, Matviushenko, rapidement, je pense qu'on va lui donner des combats de plus en plus significatifs, et on va voir vraiment qu'est-ce que Matviushenko peut faire à 205 livres dans le UFC. Tiens, je t'en lance une idée pour le moment. Rich Franklin contre Matviushenko, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant pour Matviushenko, je pense. Ouais. Mais debout, je pense qu'il n'y a pas de doute. Franklin est peut-être plus habile que Matviushenko, mais Matviushenko a une bonne lutte. S'il l'amène au sol, ça peut être difficile. Mais c'est un bon nom, ça, Fred. Ça peut être intéressant de voir ça. Je suis d'accord avec toi là-dessus, là. Je pense que on pourrait en apprendre plus sur Matviushenko, puis voir également ce que Rich Franklin a dans le corps face à un combattant qui n'aime pas nécessairement tout le temps échanger debout, qui peut varier son jeu. Ça peut être vraiment intéressant. Rafael dos Anjos face à Robert Emerson. Ça s'est terminé également par décision. Tous les juges ont décerné des cartes de 30-27 et toujours en faveur de Rafael dos Anjos. Alors, une belle victoire pour lui, qui va chercher une 12e victoire. Lui qui avait perdu deux combats dans l'UFC face à Tyson Griffin et Jeremy Stephens, il avait bien besoin de cette victoire. Oui, il me semble que le combat a été présenté, si je me rappelle bien, après celui de Belfort Franklin sur le pay-per-view. Et je voudrais juste mentionner que Dos Anjos a donné des méchants beaux coups des leg kicks. Une couple de fois, le genou de son opposant a semblé sortir puis revenir. C'était des méchants beaux leg kicks à voir. Oui, ça me dit quoi ça, là? Il y a un autre combat où il y a eu des beaux leg kicks. Ça me sort de ma tête. Ça va peut-être me revenir plus tard. Ah, intéressant. Intéressant tout ça. Puis quelques chiffres. Ben, déjà, Fred a mentionné là, les soumissions de la soirée. Est-ce que c'est Rick Story, comme tu l'as dit? On décerne aussi un prix pour le KO de la soirée qui a été décerné à. Le KO a été à Vitor Belfort. Je sais pas si personnellement c'était le plus beau KO de la soirée. On a eu Junior Dos Santos, ça a mal fini. Mais Paul Daly, Koscheck, ouais, peut-être. À repenser vite de même, sûrement Vitor Belfort méritait ce KO-là de la soirée. Malheureusement, des fois, tu sais, il n'y a pas grand choix. Il n'y a pas eu de KO nécessairement si spectaculaire que ça. Mais bon, Vitor, un petit 65 000 de plus, et pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Alors, tu l'as mentionné également, Rick Story a doublé sa mise parce que combat de la soirée, soumission de la soirée. Alors, il s'est rempli les poches, le garçon. Tant mieux pour lui, bien intéressant. Puis j'ai bien aimé le début de combat de Brian Forster qui a bousculé Rick Story. Mais après ça, il s'est peut-être épuisé, puis il a peut-être démontré quelques lacunes au sol, mais sinon, debout, puis sa force physique également, ça a été assez impressionnant. Alors, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, je sais pas si tu as eu la chance de voir quelques chiffres de plus que moi, Fred, mais on parle d'à peu près autour de 17 000 et quelques poussières de personnes qui étaient à l'aréna là-bas, à Dallas. Oui, exactement, pour des revenus au guichet de 2,4 millions de dollars. Alors, la discussion des revenus, on pourrait en parler extrêmement longtemps. Comme je dis, j'ai souvent été de l'opinion que les revenus étaient mal séparés dans l'UFC. Et là, tranquillement, je commence à me détacher de cette opinion-là. Je pense pas. Selon ce que je comprends, si on regarde la NFL, ils reçoivent les joueurs environ 48% des revenus. Au baseball, ça dépasse les 50%. Au hockey, c'est autour de ces mêmes chiffres-là. L'UFC, je pense qu'on est encore loin de ces chiffres-là, mais ça s'améliore tranquillement pour les combattants. Et juste avec les années à venir, je pense que Dana White est en train de ramollir, si on veut, ses négociations quand il négocie avec qui que ce soit en général, je dirais, parce que dans la dernière année, on a vu Tito Ortiz, on a vu plusieurs vétérans revenir, des gars qu'on n'aurait jamais pensé que Dana White aurait re-signé avec les relations qu'il avait. Alors Dana White a mis un peu d'eau dans son vin et c'est bon pour les amateurs. Oui, puis 2,4 millions, c'est pas mauvais. Il faut dire que bon, au UFC 102, qui était à Portland, on avait été chercher un petit peu moins que de que 2 millions. Et avant ça, à Philadelphie, 3,5 millions qu'on est allé chercher en vente au guichet. Alors, c'est quand même un peu plus intéressant, ce UFC 101-là. Mais le UFC 103 a pas mal fait, mais on est encore loin, mais très loin de celui qui avait eu lieu à Montréal. 4,9 millions, ça c'est ce qu'on est allé chercher à Montréal. Alors c'est quand même très impressionnant. Ça se peut-tu que ça soit parce qu'ils nous ont mis les prix des billets un peu chers? Ah, je ne sais pas, moi je suis pas allé, je n'ai pas dépensé un sou, mon ami. J'ai Ah, regardé ça je pense que confortablement. ça avait un peu rapport dans l'équation. Oui, mais il faut dire aussi, c'était 20 000 et plus à Montréal, 21 000. Alors, c'est du stock, 21 000 à Montréal, des grosses foules. Puis bon, 17 400 à Dallas là, dernièrement. Alors, c'est 4 000 de moins quand même. Puis effectivement, ben, les billets étaient plus chers à Montréal. Là, prends pas un comptable pour comprendre ça, mais les gens se sont déplacés. Puis ça, c'est le fun de voir que. Le UFC sont allés chercher beaucoup d'argent à Montréal. Je pense que là, ils vont être dans l'obligation d'offrir des maudites belles cartes à Montréal. Et parce que c'était pas des mauvaises cartes qu'ils nous ont présentées à Montréal. Bon, on avait Chuck Liddell face à Mauricio Roy, quand même, deux noms intéressants. Puis cette soirée-là, bon, Anderson Silva face à Thales Lettes n'ont pas donné de spectacle. Alors, je pense que là, ils vont revenir l'année prochaine. Je peux pas croire qu'ils reviennent pas. Ils vont être dans l'obligation de donner le meilleur show d'année. Puis j'espère que Georges va être là. Et Patrick Côté, j'ai hâte de voir le retour de Patrick Côté. Incidemment, je pense que son genou, c'est pas guéri totalement. J'espère que ça va se replacer pour lui. C'est le genre de blessure majeure qui peuvent malheureusement faire en sorte de nuire à une carrière. Et Jonathan Goulet aussi, qui était supposé combattre au UFC 100, qui malheureusement n'a pas pu y être à cause d'une blessure. J'ai hâte de le voir en action. Pourquoi pas voir toute cette belle gang-là au Québec lors du la prochaine visite du UFC dans la ville de Montréal. Ça va être excitant. Et là, ça termine ce bloc-là sur ce UFC 103-là. On a eu beaucoup de plaisir. On se prend une petite pause, une petite gorgée d'eau et il y aura une petite intermède musicale. Et à l'avenir, ce serait intéressant. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent contribuer. On est prêt, nous, à offrir des gens, à faire des pauses publicités. Donc, s'il y a des gens qui veulent qu'on parle d'un produit quelconque, je vous invite à rejoindre mon ami Fred Garcia. Et, tu sais, on débute. Alors, le but, c'est pas de s'en mettre plein les poches. C'est juste pour payer peut-être ma nouvelle assistante. Qui sera Gisèle, qui est ma voyante personnelle et qui va m'aider à faire des meilleurs choix dans mes prédictions parce que je suis un peu déçu de moi. Je sais, même dans les dernières émissions que j'ai fait ailleurs, mes prédictions, c'était pas toujours très fort et j'ai l'intention de revenir en force. Il y aura Gisèle qui va m'accompagner alors pour débourser son salaire s'il y a des gens, n'importe quelle entreprise, des entreprises qui ont un lien avec le MMA, là, on va vendre des produits bois de velours, là. À moins, ça va vous coûter cher en crime. Si bois de velours, là, si vous voulez passer une pub de bois de velours, ça va vous coûter cher. On est toujours facilement corrompable. On est tous un peu des prostituées dans la vie, mais quand même, il y a un prix à payer pour ça. Alors, s'il y a vraiment des produits intéressants liés avec le MMA, ça va être la fun. Puis, ça nous permet de prendre des pauses entre les différents sujets et une pause comme on va faire dans les prochaines secondes. Et par la suite, on va se reparler de l'autre événement du UFC qui a eu lieu, le UFC Fight Night, qui a eu lieu ce mercredi dernier. Oui, en s'en allant à la pause, on va juste mentionner Incompetech.com qui nous a donné ces chansons-là pour cette émission-là. C'est un site de équilibre de droit, alors on est venu pour aller visiter. Thank you. ça l'a fait du bien, cette pause musicale-là, hein, ça allume l'oreille. Si vous avez trouvé ça à chier, vous pouvez nous le dire aussi. Si vous avez trouvé ça bon, c'est intéressant de voir si cette douce musique a été appréciée de votre part. Et là, on poursuit avec le UFC Fight Night qui s'est déroulé le 16 septembre passé. C'était le mercredi soir sur Spike TV, tout à fait gratuitement pour les abonnés. Alors, vous en avez profité, j'en suis persuadé. Et si j'ai la chance, un peu plus tard dans l'émission, je vais vous parler de mon ami Tache de Marde. Et si j'en ai pas l'occasion cette semaine, parce qu'on est bousculé par la tâche, je vais vous en parler la semaine prochaine. Mais ce qui nous intéresse, c'est la UFC Fight Night. Et on y commence tout de suite. Pas de niaisage. Nate Diaz face à Melvin Gaillard. Victoire du cadet des frères Diaz par soumission, guillotine. Deuxième engagement, c'est Melvin qui y a goûté. Oui, ça a été un combat comme on disait au début, il n'y avait pas beaucoup de combattants de grand renom sur ce carte de combat-là, mais ils nous ont offert un bon combat. Je vais tout de suite mentionner que Nate Diaz m'a déjà paru plus fort qu'à son dernier combat, ou je sais pas si c'est Joe Stevenson tout simplement qui était trop fort pour Nate Diaz, mais Nate Diaz m'a paru plus fort, a bien quand même bougé pour atteindre avec sa portée. Gaillard a fait une erreur quand il a amené le combat au sol. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Ça a été un peu bizarre. Il a fait une feinte d'être blessé. Et tout d'un coup, il a amené le combat au sol et il s'est fait prendre. Alors, Nate Diaz, maintenant, il dit qu'il veut un gros combattant, un top 3 ou un top 5. Je sais pas s'il est prêt pour ça, parce que si on parle d'un top 3 ou un top 5, on parle des BJ Penn, Diego Sanchez, Sean Sherk... Je sais pas si Shirk est encore là, mais en tout cas, on parle des grands noms. Je sais pas si Nate Diaz peut tenir le coup avec eux, mais il continue sa montée. Oui, mais je pense que bon, le premier engagement, on a vu dans les premières secondes, Diaz a subi un knockdown, des belles mains de Gaillard, explosif. Diaz est allé au sol, mais on a vu tout de suite que Gaillard, ça y tentait pas d'aller au sol avec Diaz, puis avec raison. C'est pour ça, je pense que peut-être que Diaz a eu l'air plus fort physiquement que face à Joe Stevenson, parce que Stevenson a les habilités au sol pour puis a la force physique pour amener Diaz au sol, mais aussi les habilités pour au sol pouvoir restreindre les capacités en jiu-jitsu de Nate Diaz, alors que Melvin Gaillard, je pense que c'est une ceinture brune en jiu-jitsu sous Rico Rodriguez, mais tu sais, honnêtement, là, Melvin Gaillard au sol, je pense que c'est pas sa force, mais pas du tout. Et il n'y avait pas avantage à aller au sol face à Nate Diaz. Puis on s'en est tous aperçus rapidement. Lorsqu'il a tenté de l'amener au sol, il a réussi assez facilement au deuxième, mais il s'est fait prendre par une guillotine. Ça a été instantané, cette affaire-là, et Nate Diaz l'emporte. Il en avait bien besoin. Il avait subi deux défaites à ses deux derniers combats. Face à Joe Stevenson, c'est Clay Guida. Alors, ça va lui permettre de rester dans le UFC. Mais là, d'avoir un combat dans le top 5 là, du UFC, Nate, je pense, il est un peu pressé. On va voir ce qui va devenir dans son cas. Du côté de Melvin Gaillard, moi, c'est un combattant que je trouve potable, mais tu sais, sans plus. Alors, victoire de Diaz, sans surprise, tant qu'à moi. Par la suite, continuons. On va aller un peu plus rapidement avec les autres combats, mais on va s'arrêter quand même à l'occasion. Le prochain, Graham Maynard, bon lutteur, face à Roger Huerta, par décision partagée. Tout de même, 30-27, 28-29, 30-27, c'est la décision des juges. Alors, deux juges qui ont donné toutes les rondes en faveur de Maynard, alors qu'un juge a donné deux rondes en faveur de Huerta et un pour Maynard. Alors, Maynard l'emporte. Je pense encore là, c'était la décision qu'on pouvait s'imaginer assez facilement. Oui, mais je pense que les deux juges qui ont donné ça 30-27, c'est un peu une mauvaise décision. Là. Ça va être la chose la plus gentille, je peux dire, sur le sujet, parce que le premier round était à 100% sûr, selon moi, à Roger Huerta. Le deuxième round était relativement serré. Je l'avais donné à Maynard, oui, c'est ça. Et le troisième round, Maynard a dominé avec de la bonne lutte. Si les amateurs se rappellent, il y a eu un méchant beau Kimura tenté sur Roger Huerta. Moi, j'étais à peu près sûr qu'il allait lui casser le bras. Je regardais juste du coin de l'œil la TV parce que je me disais « ça va sortir bientôt l'épaule ». Mais non, ça n'a pas sorti. Huerta a réussi à retourner la situation. Puis, il a montré beaucoup de cœur. Je m'attendais pas à autant de Roger Huerta. Et au contraire, je dirais, j'ai même été déçu de Gray Maynard. Plusieurs lui ont donné beaucoup de crédit pour sa victoire, mais moi, j'ai vu un combattant qui a connecté une couple de fois debout, à chaque fois reculait. C'était un combat. Moi, j'aime pas beaucoup Maynard. Je le considère un combattant plate à regarder. Il a beaucoup de talent, mais j'aime pas beaucoup le regarder en tant qu'amateur. Oui, mais il gagne à peu près toujours, mais malheureusement, puis c'est ça peut-être qui rend pas très spectaculaire, ben, il gagne à peu près toujours également par soumission. C'est ce qu'il a fait face à Jim Miller, Rich Clementi, Frankie Edgar, et c'est ce qu'il vient de faire maintenant à Roger Huerta. Alors, rien de fracassant du côté de Gray Maynard, on avance à petits pas, mais à un moment donné, il va peut-être rencontrer son homme, et ça va te ravir, ça, je pense, Fred. Par la suite, Carlos Condit face à Jake Ellenberger. Et on en a parlé la semaine passée, Jake était on ne le connaissait pas, mais il a été intéressant à voir. Il a commencé ça de belle façon. Et Carlos Condit en a été même, je pense, inquiété, mais finalement, Condit l'emporte par décision partagée aussi. Oui, puis moi, je veux mentionner Condit a semblé très en forme aussi, parce qu'une couple de fois, il a été sonné. Et ça revient un peu à la discussion qu'on avait plus tôt des arbitres. Dans son cas, il a été chanceux que l'arbitre finisse pas le combat parce qu'une couple de fois, si moi j'aurais été l'arbitre, j'aurais sûrement mis fin au combat quand je voyais Condit sur ses genoux, la tête à côté, là, en petit bonhomme. Je pensais qu'il était plus là, mais il revenait à lui extrêmement vite. Alors, il montrait qu'il était en bonne santé physique puis que les sens oui. revenaient. Un peu à la John Fitch là, face à Georges St-Pierre où il a subi à peu près 4-5 knockdowns, mais il revenait tout à coup. Sauf que John Fitch, ça s'est mal terminé pour lui. Là. Il n'a pas gagné son combat, mais Condit, lui, il a réussi à revenir assez fort pour l'emporter. Mais Ellenberger, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire dans le UFC. C'était son premier combat. Et moi, je ne l'ai pas trouvé mauvais, loin de là. Non, il a été très impressionnant. Il a semblé manquer de cardio au troisième round. Mais dans les deux premiers rounds, il a été excellent. Moi, il me semble que j'avais donné les deux premiers rounds à Ellenberger. Le troisième round a complètement été l'affaire de Condit. Alors, ça aurait pu aller d'un bord ou de l'autre. C'est pour ça que ça a été une décision partagée. Là. Ça, c'est une décision normale, selon moi. Alors, Tommy Boy peut être content. Papa Garcia également. Nate Query a réussi à aller chercher la victoire face à Tim Crowder. Ça s'est terminé par décision. Tout le monde a décerné la victoire à Nate Query. Oui, ça a été un beau combat. Sur le coup, je dois admettre que j'avais été un peu déçu de la vitesse des deux, mais je suis retourné à regarder le combat par après, puis je dois admettre que ça a été vraiment un très beau combat. Les deux ont mangé beaucoup de coups, ce qui a sûrement contribué au fait qu'il n'y avait plus beaucoup d'énergie à la fin. Là. C'était pas mal des coups un peu wild. Il lançait les gros coups sans vraiment regarder, mais ça connectait, puis c'était explosif, c'était le fun pour les amateurs. C'est ça, c'est le genre de combat qui est le fun à voir, ça se frappe dessus. Nate Query bouge beaucoup la tête, là, comme un bon boxeur, sauf que il en bouge beaucoup, mais il se fait toucher quand même à chaque fois. Là, il serait mieux peut-être de se concentrer, puis au lieu de bouger la tête, là, de servir un peu plus de sa lutte. Mais écoute, il a bien gagné le combat. Puis les gens aiment ça, les combattants qui s'échangent coup pour coup. Les gars qui ont des gros cœurs, puis les gars ont prouvé ça. Ça a été une bagarre. Oui, les Par la suite. Oui. Une ouais. dernière chose, les amateurs devraient vraiment tous aller rechercher une photo de Nate Query d'après combat parce qu'il était pas très beau à voir. Mais c'est ça, je te laisse aller sur les préliminaires maintenant. Oui, alors rapidement, ça va flyer. Brian Stone l'emporte face à Steve Cantwell. Alors après trois combats qui se sont disputés l'un et l'autre, eh bien Brian Stone est allé chercher la deuxième victoire entre ces deux combattants-là. Mike Pyle, tant qu'à lui, a défait Chris Wilson par soumission. La guillotine était à l'honneur lors de cette soirée-là, puisqu'il y en a eu trois, et Mike Pyle est l'un de ceux qui en a réussi une. C'était au troisième round. CB Dalloway accueillait un nouveau combattant du UFC, Jay Silva, et il a remporté la victoire par décision unanime. Tous ont donné deux rounds sur trois en faveur de CB Dalloway, alors que Jeremy Stevens affrontait Justin Buckles. C'est Stevens qui l'emporte par TKO. C'était au premier round. Mike Pierce affrontait Brock Larson, qui s'entraîne au Minnesota avec Brock Lesnar et Sean Sherk. Bien, Larson a été défait par décision unanime. Les trois rounds en faveur de Mike Pierce et la décision de chacun des juges. Et finalement, Ryan Jensen affrontait Steven Stenbess et ce dernier, Stenbess, a été soumis par guillotine. Victoire donc de Ryan Jensen et ça a été fait au premier engagement. Fred, il y avait également, on décerne également au UFC Fight Night des prix et des bourses qui vont avec ça également pour les combats de la soirée, knockout de la soirée, soumission de la soirée. Allons-y avec ça. Le combat de la soirée, c'est Nate Query face à Tim Crowder. Oui, c'était mérité, comme on disait tantôt. C'était un très bon combat. Oui, techniquement, je pense pas, ça entrera pas dans l'histoire, mais les gars se sont échangés, puis on a encaissé. Ça, c'est le fun à voir aussi. Mais moi, j'aime bien, je vais te le dire, j'aime bien les combats où il y a beaucoup de transitions. On va au sol, on va debout, puis des gars avec peut-être des techniques un peu plus affûtées que ces deux-là. Mais ça a été une bonne bagarre. C'est le mot que j'ai là en tête. C'était une bagarre. Knockout de la soirée pour Jeremy Stephens et la soumission. Nate Diaz pour la guillotine qu'il a réussi à placer à Melvin Gaillard. Alors, bravo à tout le monde. Chacun de ces combattants-là va chercher une somme intéressante de 30 000 $ de plus qui s'ajoute à leur bourse pour leur combat. Alors, c'est la fin pour ce UFC Fight Night-là. Il y en aura un autre incessamment, mais avant ça, je pense qu'on aura droit au UFC 104 qui aura lieu en octobre prochain. De mémoire, c'est le 24 octobre, si je ne me trompe pas. Et c'est clair qu'on va en faire grand état dans les prochaines semaines dans notre émission parce que Lyoto Machida, moi, c'est l'un de mes préférés. On va en parler grandement. Et là, pour l'instant, également, cette même soirée-là, le 16 septembre passé, marquait évidemment ce UFC Fight Night 19-là. Mais en plus de ça, plus important, je pense encore pour le UFC, c'était l'entrée en matière pour la 10e édition The Ultimate Fighter. Et Fred Garcia va nous en parler puisqu'il a écouté de long. Oui, c'est ça, Ken. J'ai regardé l'émission mercredi soir, The Ultimate Fighter. Comme je te disais la semaine passée, j'ai écouté les premières saisons de l'Ultimate Fighter, puis j'avais plus ou moins aimé. Moi, je me considère un amateur de MMA. J'aime les combats. Alors, je trouve que l'Ultimate Fighter, il y a beaucoup, beaucoup, si on veut, de soap opera, de téléroman, comme tu mentionnais tantôt. Mais c'était quand même intéressant. Je dois dire tout de suite que j'ai été un peu déçu de la qualité finalement des combattants. Je vois pas beaucoup de gros gars très très avec beaucoup de potentiel. J'en vois pas tellement. Si on regarde par exemple les gars de la NFL, Marcus Jones puis d'autres, Marcus Jones a semblé être en mauvaise forme physique. Il en a arraché, il a sué comme j'ai jamais vu quelqu'un suer. OK. Et ça m'étonne beaucoup parce que moi, j'ai déjà été un bon amateur de NFL. Maintenant, je suis pas mal moins ça, mais dans le passé, j'ai suivi ça. Puis le monde disait toujours que la NFL, c'est ce qu'il y a pas mal de plus dur, si on veut, surtout un camp d'entraînement, là, il mentionnait souvent. Et je vois que finalement, un camp d'entraînement de MMA, c'est peut-être plus dur qu'un camp d'entraînement de la NFL. En tout cas, si je me fie juste à cet exemple-là. Je ne sais pas si j'ai pas le nom en tête, j'ai oublié. Il y a un autre gars de la NFL, c'était le plus grand, plus fort. Je pense que c'est Brandon Schwab, mais je suis pas sûr à 100%. Lui, tout simplement, m'a déplu avec son attitude. Il n'avait pas l'air d'un gars plus que ça intéressé à apprendre, là. Alors, OK. comme je te dis, il y a beaucoup de côtés téléroman à cette émission-là qui me déplaît, si on veut. Pas qui me déplaît, mais c'est pas mon style. J'ai jamais écouté Love Story, j'ai jamais écouté rien de ces shows-là. Alors, si on veut, le côté téléroman, c'est un peu similaire à ça. Si on parle du combat à la fin de la soirée, ça a été pas un combat plein d'action, mais il y a eu lieu là à une blessure. C'était pas beau à voir. Abe Wagner, il me semble, qui s'est fait couper là, après le combat. Ils ont montré une scène avec le docteur et c'était affreux. Il y avait au moins une coupure de, je dirais, 2 pouces de diamètre dans le front et facilement un tiers de pouce de large. Puis le docteur pouvait ramasser sa peau avec ses mains quasiment, là. C'était quelque chose à voir. Ça ouvre l'appétit, Oui, non. Désolé pour ceux qui sont en train de manger, ça c'est sûr. là. Mais c'est ça, c'était intéressant. La semaine prochaine, je vais encore l'écouter. pour sûr, puis je pense que je vais la suivre toute l'année. Kimbo Slice a été peu actif à date, on l'a vu à peine. Quentin Jackson a semblé devenir son ami instantanément. Et je vais dire tout de suite, faire une prédiction. Je sais pas qui va gagner, mais je prédis que ça va être un gars de l'équipe de Rashad Evans. Il me semble plus avoir le concept d'une équipe professionnelle et tout que Rashad Evans. Oui, ben. Quentin, que Rampage, je veux dire. Oui, c'est ça. Ben, Quentin Jackson, je pense, il aime ça donner un spectacle. Mais c'est ça. C'est un showman. Il aime ça mettre un peu plus d'épices, peut-être qu'il n'en faut. J'ai hâte de voir ça, puis j'ai hâte de voir l'animosité naître et grandir de plus en plus au fil des semaines entre Rashad et Quinton Jackson. Je pense qu'on va voir ça naître et ça va donner beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de promotion pour leur affrontement qui va avoir lieu un peu plus tard que prévu. Là, ça ne sera pas en 2009, mais au courant de l'année 2010. Je pense que c'est indéniable, c'est certain, on va voir un combat entre Quinton Jackson et notre ami Rashad Evans. Oui, hier, Dana White, en conférence de presse d'après-combat, a mentionné le mois de mars, sûrement, pour ce combat-là. Mois de mars, on est prêt, on est à un mois près, peut-être, d'un événement à Montréal. Alors, ce serait le fun d'avoir ça, l'affrontement Jackson-Evans à Montréal. Surtout qu'Evans, il y a un petit lien avec Montréal, partenaire d'entraînement de Georges Saint-Pierre, pourquoi pas, mais on peut penser quand même, on peut présumer que cet affrontement-là est destiné pour avoir lieu à Las Vegas, malheureusement pour les amateurs québécois. Ça fait le tour pour, la première émission de Ultimate Fighter. Évidemment, il y aura de plus en plus d'histoires à travers les prochaines émissions. Ça va se chevaucher de semaine en semaine, tout ça. On en est qu'au début de ces histoires-là. Il y aura des péripéties, je pense. Il y aura de l'action dans les prochaines semaines. Kimbo Slice, comme Fred nous le mentionne, apparemment a été discret pour la première émission. Mais on va le voir, je suis sûr. Le UFC mise sur lui. Je pense, évidemment, je connais pas la moitié des gars qui sont là. Je ne connais à peu près pas, mais Roy Nelson me semble peut-être le plus sérieux combattant. Oui, mais étonnamment, Roy Nelson a été repêché 9e par Rashad Evans. Le premier qui a été repêché est James McSweeney, que je connais pas. Ah, il s'entraîne avec Greg Jackson. Il s'entraîne avec Greg Jackson, ah oui? OK. Ouais. Il y a une fiche de 3 et 4, par contre. Là. OK, ouais, il me semble que Rashad parlait de sa lutte qui était très solide. Ça se peut. Il me semble que Rashad mentionnait ça. Après ça, Rampage a choisi Kimbo Slice, qui était un peu un choix bizarre. Kimbo, je veux pas dire de mauvaises choses sur Kimbo parce que c'est pas. Je veux pas attaquer la personne. Mais en tant que combattant, c'est pas. Il y a pas. Je vois pas ce que. Je vois rien. Il n'y a pas ce qu'il faut pour être un vrai combattant. Il me semble, premièrement, stiff. J'ai pas le mot français, là, mais il a de l'air raide, si on veut. Mobile, peut-être, ouais. Il a pas de l'air fluide dans ses mouvements. Et même dans le combat debout, c'est ça. Ça m'impressionne pas plus que ça. À part de ça, il y a eu, faut mentionner Wes Sims, qui a fait rire tout le monde, là, avec ses niaiseries habituelles. Et la première émission a été principalement dédiée à connaître les gars, puis à séparer les équipes. Alors, à partir de la semaine prochaine, on risque de mieux les connaître en tant que personne. On n'a pas eu beaucoup, beaucoup de temps, genre, dans la maison. Les séquences dédiées à l'entraînement étaient assez petites et courtes. Là, la première émission était principalement dédiée à faire connaître les participants, je dirais. Ben, je te remercie, Fred. Puis j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Pour l'instant, avec ou sans pulpe, le jus d'orange, c'est à vous de choisir. Un autre petit intermède musical. On va se rafraîchir l'oreille. Le gargoton également. On va se donner un nouveau swing. Puis on va terminer. C'est bien beau l'UFC, mais il n'y a pas juste ça dans la vie. Il y a également Ringside pour une troisième édition. On s'était lancé, on s'est donné un défi d'organiser une belle carte. Et contrairement à la deuxième, qui était plutôt mineure, mais qui a attiré quand même de fervents amateurs de MMA local, là, la troisième carte, je pense, est sans aucun doute la plus intéressante que Ringside nous propose. Et ça a donné lieu à des combats, je pense, intéressants avec des Québécois que vous connaissez bien. Sont, pour certains d'entre eux, revenus sur le sentier de la victoire. Alors, je vais vous donner les résultats, mais je ne vous compterai pas de mensonges. J'y étais pas, j'y ai pas assisté, mais je m'y intéresse quand même, puis ça va être intéressant. Au fil des semaines, on veut suivre également ce qui va se passer du côté du Québec. Alors, le combat principal opposait Steve Bossé face à Craig Brown. Pour ceux qui ne connaissent pas Steve Bossé, la plupart au Québec, vous le connaissez très bien, c'est ce hockeyeur de hockey semi-pro de la ligue nord-américaine, là, je peux laisser le nom que vous voulez, qui est habilité à combattre dans ces matchs-là et qui a eu beaucoup de succès. C'est une machine, évidemment, avec ses points, habitué à se battre à points nus et à s'échanger coup pour coup. On peut penser que lui, ça lui fait pas peur de monter dans une cage et d'échanger coup pour coup avec des petits gants qui permettent quand même d'adoucir les coups de poing qu'il peut recevoir. Et il a tellement une bonne force de frappe également que ces gants-là lui permet quand même d'éclater la plupart de ses adversaires. Et ça a été le cas. Steve Bossé va chercher une autre victoire, une sixième au total, une quatrième consécutive. Ça s'est terminé rapidement au premier engagement, à mi-chemin du premier round à peu près. Victoire par KO. Steve Bossé l'emporte face à Craig Brown. Et je sais que tous les amateurs québécois ont hâte de voir un affrontement Steve Bossé face à Martin Desilets. Je pense que tout le monde sait que Bossé est bien meilleur que Desilets debout, frappe beaucoup plus fort. Mais Desilets, c'est un gars intense. Des fois, peut-être un peu trop. Je l'ai vu à l'occasion dans les coins de ses combattants. Puis il est vraiment très intense. Puis c'est un gars qui a pas peur. Puis Bossé face à Martin Desilets, ça pourrait donner tout un spectacle. Martin Desilets, il est prêt. C'est pas le gars qui va reculer, je pense, dans un combat. Puis ça peut être spectaculaire que ce combat-là. Ça pourrait se terminer très rapidement. Mais Desilets peut créer une surprise. Il l'a déjà fait dans le passé. Face à Christophe Soszynski, qui combat maintenant dans le UFC. Il faut se rappeler que Desilets l'a déjà battu ici au Québec. Maintenant, Thierry Kenville affrontait Paul Reed, que je ne connais absolument pas, là, malheureusement. Je peux vous dire que c'est un Anglais. Et il a perdu Paul Reed. Il encaisse maintenant sa quatrième défaite. Il avait 10 victoires dans le passé. Alors que Thierry Kenville va chercher une 14e victoire et une deuxième consécutive. Il avait battu au XMMA 7, c'était en début de l'année 2009, Douglas Evans par un clé de bras. Mais cette fois-ci, Thierry Kenville récidive, mais cette fois-ci par une victoire par décision unanime. 30-27, c'est la décision de chacun des juges. Guillaume de Lorenzi, celui-là même qui a fait bon combat pour l'organisation XMMA. Il s'entraîne à Québec au Nordic Fight Club avec Danny Laflamme notamment, l'un des coachs là-bas au Nordic Fight Club, et de Lorenzi, un combattant très prometteur au Québec, un gars qui combattait à 170 livres et là qui a décidé de descendre à 155 livres. On m'a dit qu'il avait eu de la difficulté à la peser, il a fait le poids, mais par contre, il y avait des signes assez flagrants qu'il était éprouvé par cette coupe de poids-là. Mais là, je regarde les résultats, ça n'a pas paru. Victoire facile de Lorenzi, 30-25, 30-27, 30-25. Alors, tout le monde a donné tous les rounds à Guillaume de Lorenzi, puis même à l'occasion, il s'est vu mériter un 10-8. Et même à deux occasions dans deux rounds, puisqu'il y a 30-25 quand même, c'est une bonne différence. Belle victoire pour Guillaume de Lorenzi. Il revient sur le sentier de la victoire. On le sait qu'à son dernier combat, avait subi une défaite face à War Machine et également une blessure assez sérieuse. Il avait perdu par étranglement arrière à la fin du premier engagement. Je suis bien content de voir de Lorenzi revenir là avec une belle victoire à 155 livres. C'est sa division et ça va être difficile de voir des combattants locaux pouvoir offrir des combats avec De Laurentiis. Il y a un certain Mike Ricci, je pense, au Tristan, et on dit de lui grand bien de ce Mike Ricci-là. Peut-être un affrontement futur de Laurenzi-Ricci. On va suivre ça. Mais de Laurenzi a déjà un combat prévu au mois d'octobre prochain pour l'organisation MFL. On en parlera peut-être un peu plus tard si on en a l'occasion. Par la suite, Fabio Holanda, Monsieur BTT Canada, Monsieur Jiu-Jitsu brésilien ici au Canada, à Montréal notamment. C'est lui qui donne les cours chez BTT Canada, à l'école des frères Gélinas notamment. Et il y a plusieurs combattants qui s'y entraînent. On n'a qu'à penser qu'à Pat Côté, un élève de Fabio Holanda, qui affrontait Rovan Cunningham. Et belle victoire pour Fabio Holanda, qui améliore sa fiche maintenant, qui est de 6 victoires et 5 défaites. Victoire par TKO plutôt. Ça s'est fait par Holanda. Une belle victoire pour lui à 4 minutes 14 du premier engagement. Et lui aussi, je pense, est prévu pour combattre le mois prochain, toujours pour la MFL. Plus rapidement pour les autres combats, Benoît Guillonnet remporte un combat face à Guillaume Fortier. Dans le cas de Guillaume Fortier, c'était son entrée en matière dans le sport professionnel. Il a combattu chez les amateurs. Il avait eu quelques succès, quelques défaites, mais quand même bien fait en général. Mais là, cette fois-ci, son premier combat professionnel. Ça s'est terminé par clé de bras en sa défaveur, plus que Guillonnet l'emporte. Clé de bras, je vous le rappelle. Et Fortier, c'est un autre gars qui s'entraîne à Québec au Nordic Fight Club. Et ça fait le tour assez rapidement pour ce gala-là. Mais j'ai quelques autres résultats que je veux vous mentionner que j'ai omis encore de faire. Il y a Stéphane Bernadel qui défait Eugenio Carpine par étranglement arrière. Stéphane Pelletier, ça c'est intéressant, c'est, je pense que c'est le premier gars de l'Abitibi qui combat dans un combat professionnel de MMA. Stéphane Pelletier qui s'entraîne à Val-d'Or, dans l'Académie Juvaldo. Une école, je pense, surtout axée sur le judo. Mais là, on essaie de convertir ça. Puis il y a une version MMA également. Je l'ai vu à une occasion, Stéphane Pelletier, en combat amateur. Puis il m'avait étonné, son jeu au sol, assez impressionnant. Et là, il a remporté son premier combat professionnel face à un gars de l'équipe de Yann Bergeron à Drummondville. Stéphane Pelletier, donc, remporte le combat. Étranglement arrière, 2 minutes 55 du premier engagement. Alors, on félicite Stéphane Pelletier, qui vient de Val-d'Or. C'est un jeune homme de 23 ans à peine. Il s'entraîne sérieusement. On a l'impression à voir comment il a progressé dans les dernières années. Il a bien fait chez les amateurs également. Et de plus en plus, je pense, dans chacun des combats, on me dit qu'il s'est amélioré rapidement dans les amateurs. Ça va être un gars à suivre. Et peut-être qu'on reverra dans un autre événement ringside, Stéphane Pelletier. Réjean Gros, qui remporte un combat face à Jérémy Gagnon par décision unanime. Réjean Gros, à mon souvenir, c'est également un gars de Yann Bergeron. Et finalement, Lee Villeneuve, qui remporte une victoire face à Jeff Sharkey par guillotine. Ça, c'était au premier engagement. Alors, ringside, troisième événement. Bossé l'emporte, Kenville, Guillaume Delorenzi également. Par la suite, on va parler de quelques autres événements qui peuvent vous intéresser. Il y aura le Sengoku, 10e édition. Ce sera le 23 septembre prochain. Alors, parlons-en rapidement parce que, bon, je sais qu'il y a quelques personnes qui s'y intéressent, surtout en France, je pense, au Québec un peu moins. Alors, je vais faire un petit tour assez rapidement. Il y aura un combat dans la catégorie des poids légers entre Kazunori Yokota face à Ryan Schultz. 9-2 et 3, ça c'est l'affiche du japonais Yokota. Du côté de Ryan Schultz, c'est son premier combat en 2009. Alors, il a battu notamment dans l'organisation IFL, défunte organisation. En 2007, il avait réussi à vaincre Chris Ohradeki, le Canadien. Il a déjà battu également Roger Huerta en 2004. Ça, c'est peut-être ses deux plus belles victoires. Mais par contre, il a perdu ses deux derniers combats, dont le dernier face à Georgie Masvidal. Ça, c'était par TKO. C'est un membre de la Team Quest. Il s'entraîne avec Matt Lindland, donc de la Team Quest. Et Matt Lindland, c'est également lui qui l'a coaché, je pense, au collège en lutte. Alors, c'est une longue histoire entre Schultz et Matt Lindland. Schultz, lui, a une fiche de 20 victoires, 11 défaites et un combat nul. Par la suite, toujours dans la catégorie des poids légers, Maximo Blanco, 3-3 trois victoires, deux défaites, un combat nul et un no contest du Venezuela. Il affronte un gars qui s'appelle Tetsuya Yamada, qui a une fiche de 3 et 1. Joe Dartson, c'est un Canadien, beaucoup d'expérience, 42 victoires, 12 défaites, 32 de ces victoires-là suite à des soumissions. C'est un gars très solide dans le jiu-jitsu brésilien, vous l'avez compris. Au UFC, par contre, ça a été un peu moins fructueux son affaire, seulement qu'une victoire contre 5 défaites. Et sa victoire, elle avait été acquise face au Québécois Patrick Côté. Et il est sur une lancée de 3 victoires. Et sa dernière, c'était face à un Français du nom de Grégory Babin. Il affrontera ce Joe Dartson-là, Takenori Sato, 9 victoires, 6 défaites et 4 combats nuls. Maintenant, catégorie des 170 livres, on a Nick Thompson, un autre bon vieux vétéran, qui s'entraîne également au Minnesota avec Sean Sherk et Brock Lesnar. Il a une fiche de 38 victoires, 10 défaites et un combat nul. 22 de ses victoires suite à des soumissions. 3 victoires et 2 défaites à ses 5 derniers combats, dont une victoire face à Paul Daly, le même dont on a parlé dans l'organisation UFC, qui a surpris bien du monde en remportant une victoire face à Martin Capman. Alors, Nick Thompson a remporté la victoire face à Paul Daly et il avait subi la défaite face à Jake Shields tout dernièrement. Il affrontera Dan Arbuckle. Dan Arbuckle a bien surpris du monde là, dans les dernières semaines, a été téléchargé des belles victoires retentissantes pour l'organisation Sengoku. C'est un Américain, il a 18 victoires et 2 défaites, mais il est sur une belle lancée de 3 victoires, dont sa dernière, assez spectaculaire, je dirais, face à Akihiro Gono, un autre vétéran du UFC, un autre vétéran également de plusieurs organisations majeures japonaises. Le grand danseur. Oui, effectivement. Les Japonais, ils font des entrées, des fois, je dirais spectaculaires, mais des fois un peu ambiguës. Ah, moi, il me fait Je suis rire. jamais allé dans des bars gays, mais il me semble que des fois, ça, c'est pas trop viril. Ben là, Non, toutes ça, les mais. positions. Gono est comique. Gono est. Comment il s'appelle? Ah, son nom me Le revient pire, pas. c'est Junko Sudo, je pense. Exactement. C'est ça. Ça, c'est les deux classiques. Lui, souvent, ses entrées durent plus longtemps que ses combats, malheureusement pour lui. Et le pire, c'est qu'ils font quasiment oublier qu'ils sont des bons combattants. Ils sont pas mauvais non plus. Non, c'est vrai. Bon, catégorie des 205 livres, on a Ryo Kawamura. 10 victoires, 4 défaites et 2 combats nuls. Il affrontera Fabio Silva, que je ne connais pas du tout, mais il s'entraîne avec la Chute Boxe, ancienne école où il y avait les frères Roua, Vanderlei Silva, où il y a toujours Christian Santos qui est là. Alors, des brutes. Alors, ce sera un affrontement de catégorie des 205 livres. Catégorie des poids lourds, un qu'on connaît un peu plus. Antonio Silva, 6 pieds 4 pour 265 livres. Et ça, c'est quand il est sur la diète, parce qu'il peut dépasser ça assez facilement. Je pense qu'il est encore sous le coup d'une suspension. Il ne peut pas combattre encore, je pense, aux États-Unis, suite à un combat pour l'organisation Elite XC. De mon souvenir, c'est peut-être une autre organisation, mais c'est quelque chose comme ça. Suite à un combat, il avait testé sous. Bon, il avait pris des produits. Il le sait et on lui a dit suspension d'un an, je pense. Des produits qu'on donne normalement au cheval, aux chevaux, si je me rappelle bien. Et Silva est un bon combattant, il est gros, il est fort. Mais comme tu dis, il a testé positif. Puis lui, c'est surtout son histoire est un peu intéressante parce que, selon ce que je peux comprendre, le fait qu'il a décidé d'aller se battre au Japon ne fait que sa suspension en Amérique n'a jamais commencé, si on veut. Ah, ok. C'est comme Oui. rétroactif. Oh! Exactement. Ah. En Amérique, ils n'apprécient pas le fait qu'un combattant suspendu va aller se combattre au Japon. Alors, peut-être qu'on ne le reverra jamais en Amérique, Antonio Silva. Va falloir voir. Mais c'est un combattant intéressant, malgré le fait qu'il a été pris avec des stéroïdes. C'est quand même un bon combattant. Alors, il devrait Ouais. offrir un bon combat. Une belle fiche, 12 victoires, une défaite, des victoires face à Rico Rodriguez notamment. Sa défaite, c'est face à Eric Pellé. C'est une belle fiche, mais moi, c'est un gars que je trouve un peu lourd, un peu lourdeau. Pas le genre de poids lourd que j'aime, que j'affectionne particulièrement, mais c'est un gars toujours dangereux à cause de ses dimensions. Il va affronter pour l'occasion Jim York. C'est un gars de la Nouvelle-Zélande qu'on a vu tout dernièrement affronter James Thompson au Sengoku 7, puis Jim York avait été chercher la victoire assez facilement. Il a une fiche lui aussi, ben pas lui aussi, mais il a une fiche lui de 10 victoires et 2 défaites, mais ça devrait être une formalité, je pense, pour Antonio Silva. Mais voyons voir ce qui va se passer. dans ce combat-là. Une surprise, on n'est jamais. Tout peut se produire en MMA. Plus rapidement pour les autres combats. Makoto Takemoto. Oh, j'aime prononcer ça. Non, il s'entraîne avec Hideki Yoshida. Alors, on soupçonne, c'est un bon judoka. Et oui, on avait raison puisqu'il a remporté des titres, dont une médaille d'or dans les moins de 81 kilos aux Jeux Olympiques de 2000. Et il a une fiche de 5 et 5 en MMA, dont sa plus belle victoire, une décision partagée face à Murilo Bustamante, combat que j'ai pas vu. Puis des fois, on peut présumer, les Japonais ont un peu chauvin. Peut-être que ce n'est pas une victoire méritée, mais ça, je ne sais pas du tout. J'ai déjà vu des décisions assez bizarres au Japon. Chose que, bon, aux États-Unis, là, je pense que c'est une des forces en MMA. D'habitude, moi, je suis assez d'accord avec à peu près toutes les décisions. Au Japon, des fois, j'ai été un peu déçu. Oui, il y a un peu plus de transparence, je pense, c'est officiel. Oui, et ben c'est ça. En 2000, lorsque Takemoto a remporté sa médaille d'or, et là, je vais donner des beaux souvenirs pour les Français, je pense que David Douillet avait remporté également la médaille d'or, mais chez les lourds cette année-là, David Douillet, un grand judoka français. Ouais, je sais pas si tu vas leur donner vraiment des bons souvenirs parce que d'après ce que je peux comprendre, c'est un des opposants au MMA en France là, mais je suis pas sûr de la situation exactement. Mais d'après ce que je peux comprendre, David Douillet fait partie de ceux qui veulent pas de MMA en France. Alors, affection à David Douillet, mais grand judoka, beaucoup de talent. Puis moi, j'ai hâte de voir des. Parce qu'en France, quand même, il y a des athlètes là, en taekwondo. Je pense à Pascal Gentil. Bon, il y avait David Douillet en judo. Maintenant, bon, c'est plus un pratique. Ben, il pratique peut-être, mais c'est plus un combattant. Là, il a pris sa retraite. Mais il y en a du monde avec beaucoup de talent dans les arts martiaux traditionnels en France. Puis j'ai hâte qu'il y en ait qui se convertissent un peu comme au Japon, on l'a fait. Au Japon, on sait, c'est une culture quand même, ils sont ancrés dans leur histoire, mais ils n'ont pas été gênés. Bon, on a vu les champions olympiques, des Hideki Yoshida, puis il y en a d'autres, et Makoto Takemoto en est un. On y va en MMA, puis il n'y a pas de gêne là, c'est un beau sport maintenant, puis c'est bien réglementé. Puis bon, tu sais, les judokas, moi, ils devraient être fiers de voir un judoka essayer de tester ses connaissances et ses forces face à d'autres amateurs d'arts martiaux. Parce que, tu sais, c'est bien beau être le meilleur judoka, mais si ça marche juste contre un autre judoka, à quoi ça sert? Un art martial, à un moment donné, ça a été fait aussi pour se défendre et pour se défendre contre n'importe qui, puis avec n'importe qui, avec n'importe quel style de combat également. C'est comme ça que je pense. Ce serait intéressant s'il y a des gens qui connaissent un peu plus David Douillet que moi, puis un peu nous dire, Fred m'apprend ça, David Douillet est contre le MMA en France, mais ce serait le fun d'avoir plus d'informations là-dessus. Je suis pas sûr exactement comme je te dis sur tout ça, mais d'après ce que je comprends, il fait partie du. Il serait, je pense, un travailleur pour le gouvernement dans le domaine du sport, si on veut, là, dans le ministère du sport. Je connais pas le système politique français non plus, alors. Mais c'est ça. Il a changé. Son après-carrière a été dans le domaine, si on veut, plus public. Encore dans la vie sportive, mais plus d'un point de vue politique, selon ce que je comprends. D'accord. Dans la catégorie des poids des 205 livres, il y aura l'entrée d'un combattant. Et je parlais de judoka qui ont participé aux Olympiques. Ben lui, c'en est un. Il s'appelle Hiroshi Izumi. Ce sera son premier combat professionnel en MMA. Il a remporté dans la catégorie des moins de 90 kilos une médaille d'argent aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Alors, c'est un gars solide en judo. Et ça n'a pas toujours été bien, les conversions de judoka japonais en MMA. Voyons voir si lui va pouvoir réussir un peu mieux. Il va affronter un gars qui s'appelle Hans Nansen, que je ne connais pas du tout. Alors, voyons voir comment ça va se passer pour Hiroshi Izumi. Et dans le futur également, on verra Satoshi Ishii, médaillé d'or, je pense, dans les poids lourds aux derniers Olympiques en judo également, qui va débuter sa carrière face à Hideki Yoshida, qui lui aussi est un ancien médaillé d'or aux Olympiques, je pense, en 2000, dans ces années-là. Ça va être intéressant de voir ça. Moi, Satoshi Ishii, je ne sais pas, je l'ai vu juste physiquement, il me semble, puis il a l'air à prendre ça au sérieux. Il est venu s'entraîner, je pense, aux États-Unis avec l'American Top Team, puis il a l'air soucieux de vouloir développer des nouveaux outils pour performer dans ce sport-là, qu'il semble être conscient que le MMA, c'est complètement différent du judo, qu'il doit apporter sa force du judo, mais essayer d'adapter ça à la sauce MMA. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner à Satoshi Ishii, qui devrait combattre, je pense, soit fin 2009 ou début 2010. Oui, ça va être un début anticipé par plusieurs, vu son renom olympique. J'espère, je le vois beaucoup. Je vois comme tu dis, il y a une attitude qui semble être la bonne. Parce que justement, le MMA de nos jours, moi, je crois vraiment qu'il faut que tu connaisses tout. Il faut que tu dédies ta vie à apprendre tous les aspects, le combat debout, le combat sur ton dos. Il faut pas que tu peux pas arriver dans la cage ou dans le ring incomplet, je pense, de nos jours, si tu veux avoir de l'impact. Alors, il va être intéressant de voir s'il adapte ses attributs pour être un combattant complet. Oui, pour moi, le MMA, ça explore peut-être l'une des plus belles valeurs qu'on devrait mettre en application, pas juste dans le sport, mais n'importe où. C'est une espèce d'ouverture d'esprit. C'est d'être ouvert à tout ce qui peut venir à nous et d'aller chercher les points forts de tout ça. Au lieu d'être fermé, au lieu de penser, moi, je fais du karaté, c'est ça qui est le meilleur, puis le reste, ça sert à rien. Non, l'esprit, je pense, Oui, je du suis combattant de amplement. MMA, c'est ça, c'est d'aller chercher toutes les forces de tous les styles. Puis je pense qu'on devrait faire ça aussi dans notre vie de tous les jours, juste les religions. Moi, je suis pas du type à dire qu'on doit se renfermer, de se fermer les portes, de se concentrer juste dans une religion. Puis non, moi, je pense qu'on devrait s'ouvrir à tout le monde, prendre les bons côtés d'à peu près tout le monde, puis d'y aller avec notre jugement. Et malheureusement, c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Ben, je pense qu'en général, les athlètes dans le MMA se font donner une mauvaise réputation qui est complètement pas méritée. Parce que, contrairement, là, si on compare à un autre sport de combat, en Amérique du moins, la boxe, les athlètes de MMA, pour la plupart, ont été au collège pour apprendre que ça soit la lutte. Et je veux dire, des jeunes qui ont fait du judo, qui ont fait du karaté, pour la plupart, là, ça les a aidés dans leur vie à être plus attentifs à l'école. Comparativement à la boxe, qui est vraiment un sport, pour pas dénigrer si on veut, qui contient plus de personnes, tu sais, suspectes, si on veut, là. Je veux pas, je suis pas le genre à dire des mauvaises choses sur le monde, je veux pas dire ça, mais en MMA, je trouve souvent qu'on a des combattants là, tellement intéressants à écouter, que ce soit avec Damien Maia, Georges St-Pierre, Frank Mir, c'est les premiers noms qui me viennent en tête, c'est des gars que tu peux t'assire puis écouter ce qu'ils disent puis apprécier, tu reçois un message, c'est différent, puis c'est pas juste de la boxe, c'est avec beaucoup d'autres sports, je pense que le MMA reçoit pas le crédit qu'il mérite là-dessus. Les gars dans le MMA sont certains des plus intelligents, plus avec des pensées intéressantes à discuter, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Et à quand Wes Sims deviendra-t-il le nouveau président des États-Unis? Oui, mais tu dois admettre que c'est un peu mieux comme discussion qu'un joueur de hockey qui dit que le coach lui a dit de patiner fort. Non, non, moi je suis d'accord. Je pense qu'on ne donne pas assez de crédibilité à ce sport-là. Puis les combattants, il y a des hommes très intelligents à MMA. Mais c'est sûr que malheureusement, les médias. Si jamais il se passe un incident malheureux dans un événement, là on va en parler de bout en bout. C'est clair, c'est comme ça que ça fonctionne. Si jamais dans une prochaine carte, tu sais, un accident est si vite arrivé, là, quelqu'un se fasse, Oui, disons qu'il y a un mort. C'est clair. ils vont parler de Brock Lesnar à n'en plus finir, mais ils mentionnent jamais le fait là, que 99% du temps, après le combat, ces deux gars-là, ils se donnent une accolade, ils se parlent respectueusement, puis c'est beau à voir, c'est du respect, c'est amplement, c'est exactement ce que tu disais au début. Oui. Maintenant, le 25 septembre prochain, se déroulera un événement à Oklahoma, dans un amphithéâtre qui s'appelle le Spirit Banks Event Center. Il y a 4 500 sièges là. Alors, rien de trop majeur. C'est un événement signé Strike Force, mais c'est un peu la version UFC Fight Night, là. C'est les Strike Force Challengers qu'on appelle. Et je vais vous faire un petit tour très rapide de la carte. Tim Kennedy, qui a défait déjà dans le passé Scott Smith à son premier combat, qui a perdu plutôt contre Scott Smith dans son premier combat en carrière, c'était l'une de ses deux défaites, puisque Tim Kennedy a une fiche de 10 victoires et 2 défaites. Il a déjà battu Jason Miller, ça c'était en 2007, ça c'est sa plus belle victoire. En fait, je recule. Je recommence, là, je me suis enfargé, c'est pas beau à entendre, je me suis planté complètement. Bon, Tim Kennedy a effectivement une fiche de 18 victoires, 2 défaites. Les deux défaites face à Scott Smith, ça c'était dans son premier combat en carrière. Puis il a perdu également en 2007 face à Jason Miller, mais il a déjà remporté un combat face à Jason Miller, mais c'était en 2003. J'espère que j'ai pas trop mélangé personne, là. J'espère que c'est plus clair comme ça. Bon, tu m'as pas mélangé, moi je parlais avec mon gars, puis j'ai arrêté de t'écouter 2 minutes. Ben, regarde, si tout le monde a fait la même chose, là, ça va être clair. Alors, merci à Tommy Boy qui m'a permis d'avoir l'air un peu moins fou à ton oreille, mais pour les autres, ben, vous savez, je me suis enfargé là, 3 4 fois, puis je me suis pas mal foulé la langue. Bon, Tim Kennedy s'entraîne avec l'équipe de Pitt, avec Chuck Liddell notamment, et le coach John Akelman. Il va affronter Zach Cumming, qui a une fiche de 10 victoires et aucune défaite. Sa plus belle victoire, probablement face à Terry Martin. Ray Sefo, et ça m'intéresse, c'est un gars de 38 ans, 6 pieds, autour de 250 livres, peut jouer autour de ça, là. J'espère qu'il s'est mis en une meilleure forme physique que ça, Ray Sefo. Il s'entraîne maintenant avec l'équipe de Randy Couture. Ce gars-là vient de la Nouvelle-Zélande. Il a connu de très belles années en K1. C'est un combattant essentiellement en pieds et poings. Le K1, c'est un événement où on a le droit aux frappes avec les mains, avec les pieds et avec les genoux. Et il y a pas de sol du tout, pas de soumission là. On combat avec des gants de boxe et le K1, c'est la plus grosse organisation en ski de poings et pieds. Spectaculaire. Souvent, ça se déroule au Japon. Jérôme Le Banner, Ernesto Hoost, Sammy Shields sont des grands noms qui se sont apparus là dans le K1 dans les dernières années. Tu mentionnes. Ray Sefo. Oui, vas-y, Oui, mais Fred. j'allais juste dire, tu mentionnes Jérôme Le Banner. J'en ai pas parlé sur mon site, mais j'aurais dû faire une petite mention. Il était à Montréal, supposément, la semaine passée pour s'entraîner avec Georges Saint-Pierre au TriStar. Je sais pas exactement qui entraînait qui, mais il a fait un tour au TriStar, Jérôme Le Banner. Ah, ben, je suis surpris d'apprendre ça, mais je dois dire que ils ont peut-être un ami en commun, les deux. Il faut savoir que Georges Saint-Pierre a débuté sa carrière, je pense, sous les ailes de Stéphane Potvin et de Christophe Midou, qui est un Français d'origine et qui a vécu un peu partout à travers la planète. Et Christophe Midou, je pense, est un bon ami également de Jérôme Le Banner. Midou a été l'un des pionniers là, dans le sport de MMA ici au Québec. Alors, Ray Sefo, ce sera son deuxième combat à MMA. Il en a déjà fait un qu'il avait remporté par KO. Grâce à un coup de pied en pleine tête face à Min Soo Kim. Ça, c'était en 2005. Alors là, il revient, puis dans une équipe sérieuse. Il a quand même 38 ans, Ray Sefo. Là, je pense pas qu'il va pouvoir percer tant que ça, mais c'est intéressant de voir ce qu'il va pouvoir faire. Puis évidemment, debout, toujours très dangereux. Pour ceux qui ont vu Ray Sefo, c'est pas le plus grand technicien, mais maudit, il avait un gros cœur, puis il aimait échanger coup pour coup, puis dans plus qu'un combat, on l'a vu, pas de défensive, là, Ray Sefo, c'était soit je perds, soit je gagne, mais il va se passer de quoi, c'est sûr, puis c'était à grande claque sur la marboulette. Alors, Ray Sefo, en kickboxing, bon, ça fiche sur Wikipédia de 54 victoires, 20 défaites. Mais toujours des combats spectaculaires. Il est allé chercher des victoires contre Jérôme Le Banner, Peter Hurt, qui lui aussi a gagné le gros tournoi assez souvent, Mike Bernardo, Bob Sapp. Bon, Ray Sefo a réussi à passer sur Bob Sapp comme plusieurs autres également. Il a défait Mark Hunt également. Mais c'est un gars qui a terminé sa carrière en K1 assez difficilement avec 6 défaites à ses 7 derniers combats. Il a également fait de la boxe professionnelle, surtout en Australie, je pense, avec une fiche de 5 victoires et une défaite, 4 de ses 5 victoires par KO. Alors, c'est certain. Au niveau de la force de frappe, Ray Sefo, il n'y en a rien qu'en masse. Et là, il va affronter Kevin Jordan, 6 pieds et 3, autour de 245 livres, qui a eu 38 ans également. Il a combattu, je pense, au moins 2 occasions dans le UFC. Fred, peut-être que tu connais pas de nom, mais tu as sûrement vu son combat face à Gabriel Gonzaga. Coup de poing sauté, Superman Tu viens de me Punch. confirmer c'était qui. J'étais pas mal sûr que c'était ça. Puis là, en disant le nom de Gabriel Gonzaga, tu viens de me confirmer c'est qui, Kevin Jordan. Oui, tu as raison. C'est pas un très grand combattant, mais ça devrait donner un combat intéressant. Oui, si ça reste debout, Jordan, d'après moi, il va se faire démolir. C'est un autre beau KO que Gonzaga avait réussi à infliger à un adversaire, ça, incroyable. Ça se déroulait en 2005. Puis dans son autre combat, c'est un combat que j'ai pas vu. Par contre, Kevin Jordan avait été défait par l'un de tes favoris, Fred Paul Buentello. Ah, c'est bon ça. Et là, ça va aller un peu plus vite. Catégorie des 170 livres, Tyron Woodley, 3-0. Il s'entraîne avec l'American Top. Top Team, il a remporté toutes ses victoires par soumission et par surcroît au premier round. Il a 27 ans, il va affronter Zach Light, qui a 6 victoires et 8 défaites, dont 5 défaites par soumission. Alors sur papier, on peut penser que Woodley va soumettre Zach Light, mais évidemment, ça se passe dans la cage de tout ça. Maintenant, en catchweight, à 147 livres, Thomas Longrace, 4-0, va affronter Travis Kalanok, 4-0 également. Dans les poids lourds, un nouveau venu en MMA, je vais laisser Fred nous en parler un peu plus. Parle-moi de Daniel Cormier. Ouais, ben en gros, Daniel Cormier a reçu beaucoup d'attention sur les sites américains. Malgré son nom un peu francophone, c'est un Américain. Il a été à l'université d'Oklahoma State, puis il a été un très grand lutteur universitaire. Il a fini runner-up une année. Et il a aussi été dans les 5 dernières éditions de l'équipe nationale américaine et il a représenté les États-Unis en 2004 aux Olympiques. Alors, Daniel Cormier, c'est un des lutteur qui va venir dans le MMA avec le plus de pedigree là, dans son domaine depuis un certain temps. Il va falloir garder un œil dessus, bien sûr. Encore une fois, il arrive juste avec une arme, alors il sera intéressant de voir s'il va être capable de devenir un combattant complet. Il a déjà 30 ans, alors il arrive à un âge déjà assez âgé, mais ça va être intéressant de le suivre. Oui, j'ai vu quelque part qu'il s'entraînerait avec l'American Kickboxing Academy. Donc, il y a Kong Lee qui y a déjà été, John Fitch, Mike Swick, Josh Koscheck, Paul Buentello également. Il va affronter Gary Fraser qui, lui aussi, entamera sa carrière professionnelle en MMA. Et je vous fais grâce du reste de la carte parce que moi, je m'en fous complètement. Puis, je soupçonne que vous aussi. Alors, on va passer outre le reste de cette carte-là, mais on va vous en parler la semaine prochaine pour les résultats, dont les combats qu'on vous a mentionnés dans les derniers instants. Finalement, une dernière carte à vous présenter, puis en fait, on va vous présenter juste quelques combats, juste pour vous dire que ça aura lieu à Macao et c'est un événement de l'organisation Art of War. Je sais qu'il y a une autre organisation, je pense américaine, qui porte le même nom, mais c'est complètement différent. Là, je vais vous parler de l'organisation chinoise plutôt, qui, bon, le combat principal opposera Rolls Gracie, donc un vrai membre de la famille Gracie. Il y a déjà deux combats professionnels en MMA et ça s'est terminé les deux fois par étranglement arrière en sa faveur, donc deux victoires. Son dernier combat, c'était au Art of War 12. C'est le fils de Rolls Gracie qui est mort en 82. C'est un neveu d'Helio Gracie. Il y a deux frères, Igor et Gregor Gracie, qui tous deux également ont fait des combats professionnels en MMA, qui ont des fiches de 1 et 2 et de 2 et 1, là. 1 et 2 pour Igor, 2 et 1 pour Gregor, et tous trois. En tout cas, je suis pas convaincu que les trois, mais je sais qu'il y a au moins deux des trois frères qui s'entraînent à New York avec Renzo Gracie, qui un autre illustre membre de la famille Gracie, que je dirais la grosse famille, qui a fait en sorte peut-être que le MMA est rendu là où il est rendu maintenant. Et Rolls Gracie va affronter Peter Graham, un autre combattant qui a combattu en kickboxing surtout. Et ce sera un deuxième combat en MMA. Les deux premiers, ils ont perdu par soumission. Ça va pas très bien. Fait que je pense que ça semble être une proie assez facile. Là, si Gracie a réussi à amener ça au sol, il peut te les soumettre de n'importe quelle façon. On a l'impression en tous les cas. Et ces deux défaites, Peter Graham, c'était notamment face à un Français, Maurice Rambon. Mais non, Moïse Rimbaud. Alors les Français, je suis pas sûr là, de ma prononciation. On va dire Moïse Rimbaud, c'est un Français. Et Kazuyuki Fujita, un célèbre lutteur japonais. Alors Peter Graham s'enligne, je pense, vers une troisième défaite consécutive par soumission en plus. Il a également fait de la boxe professionnelle où il est allé chercher une fiche de 6 victoires, 3 défaites. En K1, c'était pas un mauvais gars, mais rien de solide, rien comme Ray Sefo. Il était peut-être une coche ou deux coches en dessous des gars comme Ray Sefo et Mirko Crocop. Pour le reste de la carte, je ne vous mentionnerai pas le reste de la carte. Ça vous intéresse peut-être plus ou moins, mais on va suivre ça dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce qu'il y a beaucoup de Chinois. Mais là, cette carte-là, c'est peut-être la première fois où il y a un petit peu moins d'Asiatiques. On a introduit des Brésiliens. Un Japonais, Daijiro Matsui, que vous avez probablement vu au Pride, ferait peut-être un combat face à Bao Ligao, mais ce n'est pas confirmé encore. Alors, c'est à suivre et on aura les résultats probablement la semaine prochaine pour ce Art of War 14e édition. Maintenant, je vais terminer ce bloc-là par vous parler peut-être de ce qui va se dérouler au Québec, au Canada, dans les prochaines semaines. Il y a beaucoup d'activités, ça c'est intéressant. On a la MFL qui lancera ses activités. Premier événement organisé par la MFL et je suis content de voir qu'il y a une autre organisation qui veut mettre le MMA de l'avant au Québec. Ringside a pris la relève. Bon, TKO, on sait ce qui est advenu. C'est malheureusement disparu. XMMA est arrivé. Et là, malheureusement, ça semble s'être éteint également. Mais le Ringside tente de prendre les choses en main. Ça semble bien se dérouler. Il me semble que le troisième événement était un peu plus intéressant, même beaucoup plus intéressant que les deux premiers. Et ça s'en va, je pense, du bon côté pour ce qui est du Ringside. Et la MFL également, il me semble que c'est pas mauvais. Leur première carte, elle semble très intéressante. Il y aura du Guillaume Delorenzi, il y aura des noms intéressants. Et on va vous en reparler ça assez rapidement dans les prochaines semaines parce que c'est dû pour le 17 octobre prochain. Guillaume Delorenzi devrait affronter Sébastien Garguier, qui est également, je pense, un Français qui a fait du karaté à Paris notamment. Là, il serait rendu à Las Vegas s'entraîner, entre autres, avec Farid Kader. Alors, s'il y a des Français qui ont plus d'informations sur Sébastien Garguier, on est preneurs. Vous pouvez nous envoyer ça. On va être ravis de voir ça. Il a une fiche en MMA de 3 victoires et 2 défaites. Alors, face à Guillaume Delorenzi, ça pourrait être intéressant de voir ce que Delorenzi va faire face à Sébastien Garguier, qui prend ça au sérieux, là. S'il s'entraîne à Las Vegas, et de ce que j'ai lu, s'entraînerait avec Randy Couture, ben, le clan Couture, avec le nouveau gym de Wanderlei Silva. Alors, il est là, je pense, de façon sérieuse. En tout cas, de loin, c'est l'impression que ça me donne. Derek Gauthier devrait faire partie de la carte. Kevin Morin également. Yannick Galipeau, un retour pour lui face à Patrick Tessier. Comme dit, un boxeur surtout. Pierrot Marcoux devrait être là encore une fois. Donc, beaucoup de gars également encore de Yannick Bergeron. Dimitri Waterburn également va être là. Ça, c'est le fils de Dirk Vanderberg, qui est l'organisateur de l'événement MFL. Donc, on va vous en parler dans les prochaines semaines. On va suivre le déroulement de le premier événement signé MFL le 17 octobre prochain, donc au centre Claude Robillard. On vous invite à suivre nos prochaines émissions. On va en savoir toujours un peu plus à chaque semaine. S'il peut y avoir des changements sur la carte, là, évidemment, ça change assez souvent dans les cartes, même dans le UFC, ça change, mais encore plus dans les événements un peu plus locaux et amateurs. Ben, ça, c'est pas amateur, là, c'est professionnel, mais quand même, il peut y avoir des changements, parfois des blessures. Surtout qu'il y a plusieurs combattants donc Guillaume Delorenzi, il vient tout juste de combattre. Alors, à un mois, il peut subvenir des changements à la carte. On va suivre ça assidûment. Par la suite, il y a des activités un peu partout aussi au Canada. Il y a Warrior One qui va poursuivre avec une nouvelle carte. Ce sera le 10 octobre prochain à l'Aréna Robert Gertin, c'est à Gatineau. Évidemment, ça ne peut pas avoir lieu en Ontario. C'est pour ça qu'on fait ça à quelques minutes des lignes pour faire ça aussi accepté en Ontario. Évidemment, le MMA est interdit. Heureusement pour les Québécois, ça nous permet de voir du talent ontarien. C'est là qu'on a vu les Sam Stout, des Mark de Machine Dominique. On a vu ça au Québec et au détriment des Ontariens. Mais à un moment donné, les Ontariens aussi vont se réveiller. Alors, ce sera Shawnee Carter qui va faire la finale face à Carlos Newton. Newton qu'on a vu au Pride, on a vu au UFC face à Matthews, un bon vieux vétéran. Et là, il est de retour en action. Il n'est pas encore si vieux que ça. Il a un bon talent au sol. Debout, bon, c'est un peu moins probant de sa part. Du côté de Shawnee Carter, Lui, il est versatile, debout. Je pense qu'il est meilleur que Newton. Au sol, il est moins bon que Newton. Alors, on va voir comment ça peut se dérouler, ces deux vétérans du MMA. Par la suite, Adrian Woolley également va y être. Rémi Morvan, pour quelques noms que je peux mentionner. Ozzie Bruno. Je ne sais pas si tu connais Ozzie Bruno, Fred. Moi, je peux te le dire, je ne le connais pas là, Non. nécessairement. Mais on m'en a parlé en bien. Un gars apparemment très charismatique. Ah, on va garder un œil là-dessus d'abord. Oui, c'est ça. C'est pas, de ce que j'ai vu de lui, c'est pas très technique son truc là. Mais le gars, il a du front tout le tour de la tête. Il a demandé un combat face à Steve Bossé. Il veut se battre. Il est allé chercher des belles victoires par KO. C'est pas un style. Je pense qu'il fera pas long feu avec s'il est pas capable en mesure de peaufiner ce style-là. Mais il semble avoir le don puis le timing pour faire mal à ses adversaires jusqu'à maintenant. J'ai hâte de le voir face à des noms un peu plus intéressants peut-être. Tommy Parizeau du clan de Steve Claveau là, à Victoriaville devrait faire partie de cette carte-là. Alors, surveillez ça, puis on va le surveiller également pour vous si vous n'avez pas le temps. Ce sera le 10 octobre prochain. C'est l'organisation Warrior One qui fait un retour. Finalement, la MFC, ça c'est en Alberta, organisée par Mark Pavlich. On organise un 22e événement et là, il y a des noms intéressants. Ce sera le 2 octobre prochain. Donc, dans la prochaine émission, on va sûrement vous en parler un peu plus, juste pour vous mentionner. Jason McDonald, vétéran du UFC, combattant que j'aime bien, très bon au sol, va affronter Travis Lutter, un gars qui est rempli de talent. Il a mis en danger un peu Anderson Silva, Rich Franklin, mais il n'a jamais réussi à finir le travail parce qu'il n'était pas en bonne condition physique, Travis Lutter. Si ce gars-là s'entraîne sérieusement, met du temps sur son cardio pour essayer également de s'améliorer sa condition physique, il peut être un combattant très important dans le MMA. Un gars plein de talent à 185 livres. Il y a Luigi Ferravanti également qui va être là. Des noms que vous connaissez. Marvin Eastman, Ryan Gimo. Alors ça, on va vous en parler dans la prochaine émission, un peu plus en profondeur, on fera un tour de cette carte-là. Alors, c'est pas mal tout pour moi sur ce sujet-là. Peut-être finalement, gala amateur, je vous rappelle, le 3 octobre prochain, au Scratch de Laval, Fight Quest 9, organisé par Stéphane Vigneault, qui est un des combattants que j'aime bien. Je l'ai eu en entrevue dans un autre média, puis il est tellement sympathique, puis un amoureux là, fou du MMA. Lui, tu lui mentionnes un nom de combattant, puis tu es parti pour 1 heure de conversation. Alors, il lui présente une carte, lui, le 3 octobre prochain. Alors, on va suivre ça, puis peut-être on va vous en parler un peu plus également la semaine prochaine. Alors, c'est tout pour ce bloc-là. On va terminer l'émission après, je pense qu'on se mérite bien là un petit breuvage et on se revient, on finit ça en beauté. Fred a plein de choses à nous mentionner et soyez-y, on est de retour dans une fraction de seconde. Thank you. Bon, on est de retour d'une belle petite pause musicale. Espérons que vous avez apprécié. Et comme Ken disait plus tôt, s'il y a des groupes locaux qui voudraient se faire connaître, envoyez-nous quelques-unes de vos chansons. On recherche à remplir les pauses musicales avec quelque chose d'original. Alors, envoyez-nous ça dès que vous avez ça. Bon, Ken, on va passer maintenant sur quelques rumeurs qui s'est passées dans les derniers 7 jours dans le monde du MMA. Alors, pour commencer, on va parler d'une grande annonce. Fedor Emelianenko et Brett Rogers vont s'affronter le 7 novembre prochain. Ça n'a pas été encore complètement confirmé, mais tout pointe pour que ça soit à Chicago. Et la très grande nouvelle, surtout pour en Amérique, parce que je ne sais pas comment ça marche en Europe, c'est que le gala va être sur CBS, c'est-à-dire un poste qui est disponible sur la télévision de câble. Alors, personne n'aura besoin de dépenser des sous d'extra pour voir Fedor Emelianenko. Brett Rogers, c'est pas le plus grand combattant qu'il y a, mais c'est un jeune. Alors, on va voir que Brett Rogers, il n'a rien à perdre. C'est aussi simple que ça. Brett Rogers, s'il perd contre Fedor Emelianenko, il n'y a personne qui va le regarder comme si c'est une grosse tâche sur sa carrière. Il n'y a personne qui s'attend à ce que Brett Rogers gagne. Alors, Fedor Emelianenko, c'est lui qui a la pression sur lui, selon moi. Alors, on va pouvoir voir ça le 7 novembre. J'ai bien hâte. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce combat-là? Je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement. Fedor a tout à perdre. Fedor affronte quelqu'un qui a une belle fiche de 10-0, mais qui est pas. On n'a jamais vu tout le jeu de Brett Rogers. On ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire au sol. Puis Fedor, c'est un gars intelligent. C'est un gars humble. C'est pas le gars qui va essayer de s'obstiner à échanger coup pour coup avec Brett Rogers pour lui démontrer qu'il est supérieur debout face à Rogers. Fedor va amener le combat au sol, puis il va te le soumettre, il va te l'étrangler jusqu'à temps que Brett Rogers tape de partout. C'est clair, ça va se terminer de cette façon-ci. Oui, ça devrait être un bon combat quand même, gratuit. Sur un autre sujet, cette semaine qui a touché, c'était Mayweather contre l'UFC. Mais vu que c'est la boxe puis que les engagements familiaux, c'est un peu plus important, je pense qu'on va juste passer tout droit en disant que l'UFC a simplement offert un meilleur show. J'ai pas vu le combat de Mayweather, mais sans avoir vu le gala, je suis sûr que l'UFC a offert un meilleur show. J'ai entendu dire que le combat de Mayweather était bon, mais c'était pas un combat vraiment intéressant, tant qu'à moi. Alors, l'UFC continue son ascension, dans mon opinion. Je suis d'accord avec toi, puis c'est ça, on est pressé par le temps, puis on termine l'émission rapidement. Fait qu'il y a des sujets qu'on n'aura pas le temps d'aborder, on abordera peut-être la semaine prochaine. C'est pour ça que je pourrais pas vous parler de mon ami Tâche de Marde, qui a besoin de votre aide. Je vous en parlerai la semaine prochaine, puis c'est ça, on va avoir besoin de vos conseils. Alors, Fred, je te laisse terminer. Oui, bon, comme je te disais avant le début de l'émission, moi j'ai eu une grande nouvelle cette semaine. Jose Aldo va affronter Mike Brown au WEC 44. Malheureusement, j'ai pas mis la date devant moi dans mes notes, mais Jose Aldo, selon moi, est le plus beau prospect qu'il y a dans le MMA. On le connaît pas beaucoup parce qu'il est dans la WEC, mais je conseille à tout le monde d'aller sur simplement mon site. Récemment, j'ai affiché un montage vidéo qui était apparu sur le web avec plein de ses séquences. Sa fiche est de 12 ou 13 et 1. Et ce qui est impressionnant par Aldo, c'est que dans la WEC, il a gagné à peu près tous ses combats par KO. Mais sa plus grande force, c'est sa lutte. Et à date, il gagne ses combats debout, dont un avec un double genou, c'est à voir. En tout cas, Jose Aldo, il a juste 23 ans, je vous dis à tout le monde, gardez un œil sur ce jeune-là, il est explosif, il est fort. J'ai participé il y a une couple de mois à un chat avec Jens Palver, c'était sur fanhouse.com, puis Jens Palver lui aussi disait que c'était le plus beau prospect dans WEC, sans aucun doute. Ben écoute Fred, on a beaucoup de temps dans les prochaines semaines pour parler en profondeur de Jose Aldo puis tout ça, puis je sais que t'es pressé par le temps. Tommy Boy t'appelle. Fait qu'on va se réserver du temps dans les prochaines émissions parce qu'il y a des compétitions majeures, là, le UFC, tout ça, c'est un peu plus tard, fin d'octobre. On va avoir le temps amplement de discuter de ça. Puis, c'est ça, je vous invite les gens à ne pas manquer nos prochaines émissions. On va avoir le temps de parler de plein de sujets que malheureusement, on n'a pas eu le temps peut-être cette semaine, dont Jose Aldo. Fred va nous le faire découvrir. Et puis, Tâche de Marde va avoir besoin de votre aide. Kenny Florian, autre histoire, est-ce qu'on en parle tout de suite ou... On a juste mentionné que Kenny Florian est parti de son ancienne équipe par Mark Della Grotte. Et ça joint supposément au Tristar. J'ai lu la nouvelle sur MMA Madness il y a une couple de jours, et là, maintenant, depuis hier, tous les autres sites ont repris la nouvelle. Alors, c'est excellent pour Georges St-Pierre. On est content d'accueillir Kenny Florian, un autre combattant connu. C'est excellent pour le TriStar. Oui, alors merci Fred, c'était super agréable. Puis la semaine prochaine, on fait le tour de ça. Puis la discussion, on va parler également des sondages qu'il y a sur mmnouvelle.com. Là, je pense qu'on est à court de temps, hein? On va juste mentionner très vite. On peut passer très vite sur les sondages. Cette semaine, on a eu trois sondages. Le premier était par rapport à qui voulez-vous voir dans l'UFC. Il me semble qu'il n'était pas fini quand on a fait. Ah oui, il était fini celui-là. Je m'excuse. On passe à l'autre sondage qui était le combat que les amateurs anticipaient le plus pour l'UFC Fight Night de mercredi. Malheureusement pour ce gala-là, c'était aucun, puis les amateurs voulaient voir l'UFC 103 rapidement. Mais je pense que, comme à l'habitude, ça ne veut rien dire, les cartes de gala. On a eu un excellent spectacle au Fight Night de mercredi, puis on doit être content. Oui, effectivement. Puis ensuite, l'autre question, c'était qui était le meilleur combattant à 170 livres qui allait combattre le 19 septembre? On avait Koscheck, on avait Triggs, on avait Martin Kampmann et Paul Daly. Je pense que plusieurs sont allés du côté de Josh Koscheck. C'était mon choix personnel également. Et il y en a eu un courageux personnage, peut-être qui s'est enfergé dans sa souris, qui avait opté pour Paul Daly. Mais disons que sa victoire lui donne en partie raison. Oui, moi personnellement, j'avais voté pour Capman vu que c'était avant le gala. Je voyais Capman plus haut qu'il était vraiment. Alors, je vais revoir ma vision sur Martin Capman à partir de son prochain combat. Alors, on vous invite à suivre mmnouvelle.com. Il y a un sondage qui s'en vient là. Ce sera à savoir qui devrait affronter Anderson Silva à 185 livres et vous aurez le choix entre Nate Marquardt, un personnage que tu affectionnes particulièrement, Fred. Il y aura également Dan Anderson et Vitor Belfort. À vous de choisir. On va s'en reparler dans notre prochaine émission. D'ici là, passez une belle semaine et on vous invite, si vous avez des commentaires, des suggestions, des plaintes, des lamentations, des confessions, n'importe quoi, vous envoyez ça par un courriel à radio, à commercial, mmnouvelle.com. C'est bien ça? Exactement. Puis encore un gros merci aux amateurs d'avoir pris le temps de nous écouter parler d'un peu de tout. Ouais, mais merci à toi, Fred, et à tout le monde. À la semaine prochaine, soyez-y. Plein de résultats, plein de discussions. José Aldo, c'est qui ça? Je veux l'apprendre, en apprendre plus sur lui. Fred va nous le faire découvrir. Et moi, je vais vous parler de mon ami Tâche de Marde. Et on a besoin de vous vraiment. Là, il y a besoin de vos conseils. Au revoir.